Bonjour La Réunion. Bonjour Mickaël. Bonjour Isabelle. Ça y est, on est parti pour une nouvelle matinée. Ensemble jusqu'à 8h. En route. Il est 5h sur la première. Très bon réveil à tous, c'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Un suspect a été interpellé hier dans l'affaire du viol à l'université. Il s'agirait d'un jeune homme extérieur au campus. Il est en garde à vue au commissariat Malartic. Hier, 300 étudiants ont manifesté pour réclamer plus de sécurité. Nous étions sur place. Reportage à suivre. La décision était attendue. L'étude consacrée au parc national a été validée hier par la région. Officiellement, il s'agit d'un état des lieux. L'opposition, elle, dénonce une manière déguisée de transformer la structure en parc régional. Il encourait 30 ans de réclusion. Ce sera finalement 12 ans pour Nicolas Espel. Le Dionysien a été reconnu coupable du meurtre de son frère. Il ne devrait pas faire appel. Et puis nous terminerons ce journal avec un anniversaire. Le Car Jaune fête ses 20 ans. Plus moderne, il embarque désormais le Wi-Fi et des prises USB. Il a été interpellé à son domicile hier après-midi, un jeune homme suspecté d'être l'auteur du viol d'une étudiante lundi dans une résidence de la cité universitaire à Saint-Denis. Il aurait été aperçu par plusieurs témoins lors de sa fuite. Il est désormais en garde à vue au commissariat Malartic. Hier, plusieurs centaines d'étudiants se sont rassemblés sur le campus pour dénoncer l'insécurité grandissante. Ils ont été reçus par le président de l'université et par le président du CROUS. Olivier de la Richaudie a assisté aux échanges. Ils sont près de 300 étudiants réunis au pied des bâtiments du CROUS avec une seule et même revendication, plus de sécurité sur le campus. Un ras-le-bol général auquel tente de répondre Jean-Paul Duprat, le président du CROUS. Il faut arrêter de nous mettre des galets, de nous mettre des parpaings en bloquant les portes. Parce que normalement, si les portes sont fermées, on ne peut les ouvrir qu'avec une clé. Tandis qu'une délégation est rapidement constituée pour être reçue, dans la foule, la colère gronde. Représentants syndicaux, anonymes, ils sont nombreux à ne pas digérer la déclaration du président du CROUS. On a eu des agressions sur la passerelle. On a déjà eu des personnes qui sont entrées chez une étudiante pour lui voler toutes ses affaires dans son appartement. On a déjà eu même des épisodes de voyeurisme. Et là, ils nous parlent de parpaing. C'est totalement inadmissible. Un décalage qui agace aussi Mickaël Mouni-Latchimi. Pourtant, selon le président de la Fédération des étudiants de La Réunion, les revendications n'ont pas changé depuis des années. Des caméras de sécurité absolument partout et des vigiles qui tournent. On a un budget pharaonique. L'université propose une formation sécurité. À ce titre, les étudiants qui font cette formation ont droit à un stage. On leur demande d'aller faire leur stage ailleurs. Pourquoi ne pas leur demander de faire ce stage ici? Après 2 heures de réunion, aucun renforcement de la sécurité n'était décidé. L'administration du CROUS et de l'université souhaitant approfondir davantage les échanges avec les étudiants. Et la victime, âgée de 17 ans, a de son côté porté plainte. L'enquête a été confiée à la brigade des mineurs de la sûreté départementale. 12 ans de réclusion criminelle, c'est 3 de moins que ce que demandait l'avocat général. Nicolas Espel a été condamné hier aux assises pour le meurtre de son frère, Patrick Fagnot. C'était le 30 juin 2014 à Saint-Denis. Il l'a tué d'un coup de fusil dans le dos pour une histoire de canard. Au cours de son procès, Nicolas Espel a dit à plusieurs reprises regretter son geste, un élément essentiel selon son avocate, maître Sandrine Antonelli. La condamnation est juste au niveau de la peine, il n'y a pas de souci. Ce qui ressort de toute cette audience, c'est que mon client a pu exprimer ce qu'il avait à dire, en fait, hein, les remords, les regrets. Il a pu, en fait, c'est comme une délivrance pour lui. C'est comme, il a été entendu, je pense. Et ça, c'est très positif. Et surtout, il a pu parler, à la famille de son frère, en s'exprimant ouvertement à eux et en leur demandant pardon. Et ça, c'est très important pour lui. Maître Sandrine Antonelli, l'avocate de Nicolas Espel, au micro Réunion Première d'Antoine Garnier. Nicolas Espel qui n'a pas l'intention de faire appel. Dans le reste de l'actualité, une ogive qui pourrait dater de 1870 a été découverte hier enfouie en plein centre-ville de Saint-Denis. Ce sont des travailleurs du bâtiment qui ont trouvé l'arme au milieu d'un chantier de terrassement rue Juliette Dodu. L'obus, long d'une vingtaine de centimètres, a été emmené par les démineurs militaires du NEDEX. 5h04 sur la première, la suite du journal Florent Marot. C'est fait, l'étude voulue par la région sur le parc national a été validée hier en commission permanente. Coût de l'opération 50 000 euros, les atouts du parc. Ces points de blocage seront bientôt analysés. Officiellement, donc, c'est un état des lieux à la veille des 10 ans du parc national, mais aussi un outil de réflexion. L'opposition, elle, dénonce une façon déguisée de transformer le parc national en parc régional, un déclassement qui ne dirait pas son nom. Patricia Profil est conseillère régionale d'opposition PLR. Elle a voté contre cette étude. Le président a bien signifié que c'était un de ses arguments de campagne, c'est-à-dire le déclassement du parc. Et j'ai posé la question, quelle est vraiment la véritable raison de ce déclassement ? On n'a pas su me répondre. Et d'ailleurs, que je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des intérêts privés dans cette affaire ? Plus que des intérêts généraux. Donc le président n'a pas répondu à ma question. Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut être privé de ce genre d'outils en sachant que cela représente un outil très intéressant en termes du respect de la biodiversité, au respect du patrimoine, et c'est un outil aussi au-delà de ça qui nous a permis aussi d'être classé dans le patrimoine de l'UNESCO. Patricia Profil, conseillère régionale d'opposition PLR au micro Réunion Première de Delphine Poudroux. L'étude sur le parc national doit être programmée d'ici 3 mois pour des résultats avant la fin de l'année. C'est ce soir que la mairie de la Possession a prévu sa première réunion publique sur l'exploitation de la carrière des Lataniers. Vanessa Miranville présentera les 3 projets de sa majorité. 2 autres réunions sont prévues. Mais l'association Lataniers Nout Cœur de Vie arrive avec un 4e projet sans augmenter les impôts. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Se dirige-t-on vers une nouvelle éruption au Piton de la Fournaise, la 3e de l'année? Le volcan montre une certaine activité. Il ne dormirait en fait que d'un œil depuis qu'il s'est rendormi le 18 septembre dernier. Les volcanologues de l'observatoire observent en ce moment des gonflements de l'édifice volcanique. 70 séismes ont été enregistrés en une semaine. Il y aurait du magma qui remonte en ce moment. Alors une éruption dans les jours, les semaines, les mois à venir, difficile à dire pour l'instant. Allez, comme promis, on termine avec l'anniversaire du car jaune. Il souffle ses 20 bougies et devient beaucoup plus moderne avec une application, du Wi-Fi et des prises USB à l'intérieur des véhicules. Depuis 20 ans, le réseau a bien évolué et les premiers témoins de ces changements, ce sont bien sûr les utilisateurs. Hormis quelques problèmes de retard, les Réunionnais semblent satisfaits des car jaunes. Ça fait un bout de temps que je prends le bus. J'ai pas de transport, j'ai pas de bagnole, je conduis pas. Vaut mieux prendre le bus. Hein. C'est un petit peu étroit le couloir pour les valises, mais sinon ça passe. C'est moderne, c'est mieux qu'avant quoi, par rapport aux années avant. C'est plus spacieux, c'est plus confortable. La chaleur est climatisée pour les agents de sécurité aussi. La sécurité est un petit peu mieux et puis un petit peu le confort. Alors pas de bousculade, tout le monde a une place. S'il n'y a pas de place, c'est prononcé, il faut attendre l'autre qui arrive, mais ça va. Nord jusqu'au sud, ça va, du côté de l'ouest. Je pense que l'autre côté, c'est différent quand même. Il reste encore du boulot, mais c'est déjà pas mal. Des réactions recueillies par Aurélie Constant. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et ce matin, Noémie Bonin, on parle de cette condamnation d'une entreprise de l'eau. C'est une première, une entreprise de l'eau condamnée par une cour d'appel pour avoir réduit illégalement le débit d'eau chez un particulier. La SOR avait limité l'alimentation en eau chez une famille de Limoges à cause d'une facture impayée en 2015. Le quotidien était intenable, le robinet ne laissait passer qu'un tout petit filet d'eau. Pour la cour d'appel, c'est donc illégal. Cette décision doit faire jurisprudence. 2e jour de procès dans l'affaire de la chemise arrachée ce mercredi. Pour l'instant, les témoignages sont assez fragiles. Fragile à cause de la confusion générale qui régnait ce 5 octobre 2015, quand les 2 cadres d'Air France ont été chahutés. 15 salariés sont jugés. Bernard Squarcini passe sa 2e nuit en garde à vue. L'ancien patron du renseignement intérieur est toujours interrogé par la police des polices. Il est soupçonné d'avoir récupéré des informations confidentielles pour ses affaires privées une fois qu'il avait quitté la police. L'ex-chef de la PJ, la police judiciaire parisienne, Christian Flech, a terminé, lui, sa garde à vue. Il sera convoqué chez le juge d'instruction prochainement. C'est un livre explosif à 2 mois des primaires de la droite, celui de Patrick Buisson, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Ça s'appelle « La cause du peuple » en librairie jeudi. Patrick Buisson règle ses comptes avec l'ancien président. Il y a de multiples anecdotes, souvent assez amères. Il affirme entre autres que Nicolas Sarkozy aurait sciemment laissé éclater des émeutes dans Paris au moment de la contestation contre le CPE, le contrat première embauche en 2006. Nicolas Sarkozy était à l'époque ministre de l'Intérieur et en plein affrontement avec le chef du gouvernement Dominique de Villepin. Le PDG d'Alstom face aux députés ce mardi, Henri Poupart-Lafarge a été longuement auditionné par la commission des affaires économiques de l'Assemblée. Il a dû s'expliquer sur le projet de transfert du site de Belfort vers l'Alsace. Pendant ce temps, les salariés d'Alstom se sont mobilisés, journée d'action et de grève. En Syrie, l'armée avance dans Alep. Soutenue par la Russie, elle a pris le contrôle d'un des quartiers rebelles de la ville. La situation humanitaire est catastrophique. Les bombardements sont très intenses depuis la fin de la trêve dans le pays, il y a une semaine. L'Organisation mondiale de la santé réclame l'ouverture de couloirs humanitaires. En football, Monaco garde la tête de sa poule en Ligue des Champions. Le club de la Principauté a arraché le match nul un partout contre Leverkusen ce mardi soir. Lyon, en revanche, tombe à la 3e place de son groupe, défaite 1-0 à Séville. Dans le choc de la soirée, le Real Madrid, tenant du titre, a été tenu en échec à Dortmund, 2-2. Place au PSG ce mercredi, les Parisiens se déplacent en Bulgarie. Match contre Ludogorets. Il est 5h11 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et Mickaël, le soleil devrait se lever sans être perturbé par les nuages. Oui, juste peut-être quelques nuages sur l'extrême est au pied du volcan. Mais globalement, tout au long de la matinée, on va vivre donc un beau début de journée. Et puis au fil des heures, le ciel va se dégrader. Une dégradation arrive par le nord-est et des nuages qui vont apporter des averses sur les contreforts montagneux du sud avec une bonne couche de grisaille, notamment au volcan et autour du volcan, sur la forêt de Takamaka et puis sur une grande moitié nord-est entre la région de Saint-Denis et de Sainte-Rose, même jusqu'à Saint-Philippe, jusqu'au sud sauvage. Il n'y a que la bande littorale qui s'étend de Saint-Pierre à Saint-Gilles qui sera à l'abri. Le soleil devrait encore s'imposer sur ces régions. Température cet après-midi qui grimpe, vous l'avez ressenti hein, ces derniers jours, elles atteignent 25 à 26 degrés sur le littoral est, puisque là, il y a des nuages et il y aura des averses. 26 à 28 sur la côte ouest, 28 degrés par exemple attendu à Saint-Gilles, puis au volcan et aux alentours, le mercure atteint 18 à 20 degrés tout de même. Aujourd'hui, on change de saison, on le voit au fil des jours. L'alizé de secteur est modéré, il se fera ressentir à nouveau sur Saint-Denis et Saint-Pierre avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km par heure. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Eh ben on est de retour, mercredi 28 septembre. Salut Isa. Bonjour Mika, ça va ou quoi? Ben ça va bien. Bah oui. J'espère que la Réunion ça va bien, vous aussi. On va encore tenter de vous réveiller ce matin pendant 3 heures. Et avec tout plein de cadeaux en plus à la clé. Exactement, on va vous gâter aujourd'hui. Hein, de bande d'achat valable chez Espace Fraîcheur. On va vous offrir les invitations, les toutes dernières qu'on a encore en notre possession. Elles sont là. Pour le concert, là, au petit stade de l'Est. Regarde bien. Voilà, il y en a deux. C'est pour le concert Enfants Gillois. Très bien. Il y a des invitations qui vous attendent, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi le super cadeau de vendredi. Parce que là, on se projette un tout petit peu plus et on pense déjà au week-end. On vous emmène à Sillaos, dans le cirque de Sillaos, pour un séjour de rêve. 2 jours, 1 nuit, dans un hôtel 4 étoiles. Oui. L'hôtel Sillaotsa. Ça sera pour vous et la personne de votre choix. Mais alors, c'est tellement simple de pouvoir gagner ce cadeau que nous-mêmes on aimerait jouer. Hein, mais bon, on peut pas. Comment on fait, Isa? Eh ben, on envoie un petit message simplement, un petit coucou, un petit j'aime grand matin, une affaire comme ça, un petit message par SMS au 70 2000. Ça, c'est la première possibilité. Bah oui, comme sinon, ça, on verra que la communauté est grande. Oui. Sinon, on fait la même chose, mais sur Facebook. Bah voilà, la page grand matin. La famille tu Facebook. Voilà. On n'est pas loin des 1000 fans. Il va falloir les dépasser. Pourquoi pas dès ce matin? Et ne vous inquiétez pas, on garde tous les numéros de téléphone, tous les messages, que ce soit sur Facebook ou par SMS pour le grand tirage au sort de vendredi. Donc Facebook ou SMS, à vous de choisir. En tout cas, on est parti, on est lancé. C'est grand matin, c'est le réveil. On va vers l'horoscope. Première. L'info sur Réunion Première en télé, ce sont deux rendez-vous quotidiens. Pascal Soupraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Filin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balmann. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Rappelez-vous, Anouchka Pépin, gagnante de la saison 1 de Kid Créole sur Réunion Première. Aujourd'hui, découvrez Mon Étoile, son duo inédit avec Pixel. Une incroyable consécration pour la petite réunionnaise. Toi aussi, tu peux vivre ce rêve et enregistrer ton premier single produit par SS Kairon. Tu as entre 8 et 15 ans? Inscris-toi sur le site kidcreole.re avant le 30 septembre et participe à la saison 2 de Kid Créole, le talent show made in Réunion Première. Première. Et puis à 6h moins le quart, on ira sur le marché comme tous les jours, vivre un peu l'expérience réunionnaise avec notre petite Prisca. Et aujourd'hui, direction le sud. Bonjour Prisca. Bonjour les amis. Eh, ça tombe bien que vous êtes avec Juliette, parce que moi, mon horoscope, c'est, enfin, mon signe astrologique, c'est Balance. Eh ben, on note ça. Allez, Balance, Juliette, Bon. Ouais, ben, j'espère que ça va mieux pour aujourd'hui, hein, parce que hier, c'est pas terrible, quoi. Aïe. Bon. Qu'est-ce qui est passé? Non, ben hier, c'est hier. Hein. Aujourd'hui, c'est forcément aujourd'hui. Moins bien qu'aujourd'hui. Quoi. Bon, on voit les choses comme ça. Oui. Ouais. Allez, je vous offre la possibilité d'aller à Saint-Louis, au marché forain, sans bouger de chez vous. Il suffit juste de garder la radio allumée. Et si vous avez un smartphone, bah, vous vous connectez sur Facebook. Comme ça, vous aurez les images. Et bah voilà. Avec le son. C'est clair. À tout à l'heure. Presque à bisous. Grand matin, vous emmène partout dans l'île. Et bien sûr, avant cela, il faut savoir ce que nous réserve les étoiles, les planètes, Bonjour Juliette. Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi. Ah, c'est la journée des enfants. Mais non, c'est aussi la journée des grands. Nous sommes le 28 septembre aujourd'hui. Les Venceslas sont à l'honneur. Bonne fête messieurs. Voici l'horoscope de la première immédiatement, tout de suite. Bélier, vous ne considérez que les côtés négatifs en ce moment. Taureau, quelques petites attentions vous font chaud au cœur. Elles avaient disparu depuis fort longtemps. Gémeaux, votre charme est particulièrement singulier en cette journée. Cancer, la prudence sera de mise. Une forte envie de bousculer vos habitudes s'impose, certes, mais prenez des gants. Lion, ne pensez pas qu'au privé. N'oubliez pas le domaine professionnel. Vierge, vous êtes dans un tempo parfait actuellement. Balance, vous avez décidé de vous réinvestir dans vos relations actuelles, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou amicales. Scorpion, vous aurez les moyens de vous réaliser enfin. Sagittaire, plus de calme en ce moment, mais vous êtes toujours très entouré. Capricorne, on y croit, et pas seulement vous, les autres aussi. Verseau, excellente entente avec les lions, côté masculin. Et Poisson, on termine par vous, vous pourriez aujourd'hui décrocher le pompon si vous y mettez du vôtre. Belle journée à tous et à toutes. Merci Juliette. Allez, on file sur les hippodromes puisqu'il y avait un tiers écarté 15 et plus hier. C'était à Enghien. Exactement. Isa. Ah oui. Et pour gagner hier à Enghien, il fallait jouer le 8, le 15, le 16, le 5 et le 4. 8, 15, 16, 5, 4 numéros plus gagnants, 0376. Cet après-midi, un nouveau quintet, cette fois-ci au Mont-Saint-Michel pour le Grand National du Trot Paris Turf. Il va y avoir 18 partants, 3250 mètres à parcourir et dans la tirelire, 5 850 000 euros. Voici les pronostics du Fouineur, du GIR, partenaire Réunion Première, qui vous conseille le 8, le 9, le 14, le 7, le 12, le 15, le 17 et le 6. 8, 9, 14, 7, 2, 15, 17 et 6 pour le quintet cet après-midi. Mont-Saint-Michel, départ prévu 15h47. Et n'oubliez pas pour que le jeu reste un plaisir. Jouons! Responsable, comme d'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Ah bah tiens, on salue Corinne, enfin un bisou à Corinne. Oh, Corinne est déjà là. Elle est déjà là. Oh, bonjour Corinne. Il n'y a pas qu'elle. Il y a Nadine aussi, regarde. Coucou Nadine. Miamzot toutes. Ben nous aussi, Miamzot. Afin de réveiller alors, ça va? Ça y est, c'est parti. 5h18, la réunion se réveille tout doucement. Oui. Et ça se passe avec nous ici. Et avec Mrs. Et un petit bisou. Il faut le matin, puis des petits bisous. Sur première, bon réveil. Les années passent. Avec vous que m'y sens moins bien mon cas. Rappel à où les soirées d'un téléphone qu'à soleil lève. Tous les mots doux nous t'étis à nous. On a toujours droit à ces merveilles. Toute l'attention que vous portez à moi vous souhaite sera pareil. Et que ne changera pas rien. pas toujours pour dire ça ou les plus forts que moi. Pourtant, m'y connais que ou y'aime à moi. Pardonne mon maladresse, m'y reconnais pas moi. Il a mon bon défaut, ou l'a su, accepte moi. Yo, il est pas comme tous les amoureux. Mais crois-moi, et bah nous va surmonter ensemble. C'est pas rapoulé. Avec un bisou sur Première. Grand Matin vous fait découvrir toute la Réunion, vous connecte avec toute la Réunion, mais aussi on vous emmène un petit peu partout, à droite, à gauche, comme ça, à travers le monde. Et pourquoi pas aller prendre l'avion maintenant et partir vers l'ouest. Bah, alors vers le nord-ouest, on va mais dire. Loin. Là, on est à... je sais pas combien de la forêt qu'on calcule, mais on a plus de 10 000 km, ça c'est sûr. On va dire presque 20 000. On va du côté du Canada. Exactement. Isabelle. Et au Canada, parfois, on peut trouver, comme ça, dans des petites localités, des paradis cachés. Ouais. Comme quoi, il n'y a pas qu'à La Réunion qu'il y a des paradis cachés. Il y a des petits paradis cachés, sauf qu'il manque du monde. Ça s'appelle cette petite ville, c'est Cap Breton. C'est une petite île donc qui est située à côté de la Nouvelle-Écosse au Canada. Et c'est super mignon, c'est chou, il y a des arbres partout, des couleurs, c'est extraordinaire. Et seulement, il n'y a pas de moon. Voilà, il manque un peu des habitants. Il y en a que 150 000. Du coup, la ville a décidé de se servir des réseaux sociaux, donc de Facebook, pour trouver du monde pour venir habiter chez nous. On est super, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas de monde. Alors du coup... Non, c'est pas pour vous, hein. C'est pas pour vous, c'est pour moi en fait. On se parle comme ça des fois, du con, du con. Ça arrive. Et bien, t'as envie de te dire, moi j'aimerais bien aller, sauf que c'est loin là-bas, je connais personne, j'ai rien. C'est pas grave, la ville t'offre tout pour t'installer. Bah oui, du con. Un boulot avec un morceau latte, faut commencer, c'est pas mal, non? Et bah voilà. Chaque personne dit donc que son dossier est accepté, il veut venir bosser, vivre là-bas. Et bien, la municipalité lui offre un terrain. Et un emploi. Parce que là-bas, il y a le plein emploi, tu vois. J'imagine, il n'y a personne. Mais est-ce qu'ils nous prennent vraiment pour des cons? Parce qu'il y a peut-être un truc caché là-dessous. Non. Parce que personne ne veut y habiter dans leur village. Non, j'ai cherché, j'ai regardé. Okay. C'est super, ils te donnent même qu'est-ce qu'il faut faire si tu veux, s'il faut des visas, des trucs comme ça, des papiers particuliers pour t'installer. Ils te donnent tout. Il te faut simplement une invitation d'un employeur canadien. Donc tu arrives en disant voilà, moi j'ai une proposition d'embauche quelque part. Donc ça, c'est bon, c'est fourni par la municipalité. Et il te faut un permis de travail qui est délivré après l'obtention d'un visa temporaire. Mais ça pose pas plus de soucis. T'es sûr qu'il n'y a rien du tout de mauvais, de négatif là-dedans? Ça a pas l'air. C'est bizarre. Donc, si vous êtes intéressé, ça se passe à Cap Breton. Vous pouvez aller regarder sur Facebook, vous trouvez facilement le lien. Et vous pouvez aller vous installer là-bas tranquillement avec un boulot et un terrain à la clé. Question Ludo par SMS, pourquoi personne n'y habite alors? Parce que c'est loin. Parce que personne connaît, c'est ça? Non, voilà, c'est un petit peu loin, etc. C'était une petite ville qui au départ était pas très développée, donc les gens s'en vont pour aller bosser, etc. Sauf qu'entre-temps, y a eu un essor, il se passe des choses, etc. Il donne à eux quand même 8000 mètres carrés la terre. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas rien. On dit, la terre, nana, quoi. quand ici on sait combien ça coûte, bah voilà. 8000 mètres carrés la terre, c'est vrai ça. Que là, bon, bah, si vous n'avez rien d'autre à faire voilà, ici, si vous voulez plus notre vie, partir, allez, allez-y, pas vous renseigner, soyons fous, intéressant. Soyons fous, partons, bah oui. Partons au Canada. Si ça vous plaît pas trop le Canada, si c'est froid, oui. Hein, pour un peu trop froid pour vous, quoique il y a une saison estivale aussi au Canada, hein, ça arrive, il y a du soleil aussi, des fois, on vous le dit. préférez les chaleurs, les latitudes un peu plus chaudes. Oui, mais alors attention, mais, attention, bon, attention. Alors, tout n'est pas forcément pareil qu'ici à La Réunion. C'est ça, il faut faire attention. Il faut respecter certains codes. C'est ça, quand on va en vacances ou quand on va vivre quelque part, il faut faire attention aux coutumes du pays. C'est il faut ça. S'adapter, alors, tu vois. Si par exemple on part en Égypte, là-bas, il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait avec le sel. Voilà. C'est ça ah oui, oui. Pourquoi le sel, façon, le sel de table. Hein, oui, on est le sel, ils mettent à table là. Alors, c'est pas bien vu d'assaisonner son repas. Imagine, tu es invité à bouffer donc chez une Égyptienne et il manque un peu de sel dans le manger. N'en rajoute surtout pas. Ce sera très très mal pris. Là-bas, ils font attention à l'attention. Ah, ils font attention. Donc, si tu rajoutes du sel dans le manger qu'on te donne, eh ben, ça veut un peu dire que le manger que tu es en train de manger est pas bon. Ah ouais. Et ça, ça va pas du tout. Bah, c'est la première et la dernière fois que tu seras invité. Généralement, quand vous rajoutez du sel, c'est qu'il en manque. Donc, c'est que c'est pas tout à fait très bon non plus. Voilà, hein, ce sera faut le dire. Très mal vu. Bah, ils ont bien raison, les Égyptiens. En fait, ils sont pas hypocrites. Bah, oui, ils sont pas hypocrites. Ça. Et puis, au Venezuela, alors c'est un petit peu plus chaud encore. Là, vous descendez un peu plus au sud. Vers l'ouest, bien sûr, toujours. Là-bas, il faut surtout arriver en retard. Oui, c'est ça. Il faut pas arriver à l'heure là-bas. Voilà, c'est parfait pour moi, ça. Voilà. En fait, c'est arriver en avance, c'est considéré comme impoli. Si tu es invité chez quelqu'un, la bonne chose à faire, c'est d'arriver entre 10 et 15 minutes de retard par rapport à l'heure qui est prévue. Donc voilà, puisque pourquoi ? Parce qu'en fait, la personne qui arrive en avance ou bien à l'heure, on la considère comme quelqu'un de trop impatient, trop gourmand, n'a envie de manger pour finir avec ça. Donc c'est pas bien. Mais seulement un retard de 10 à 15 minutes. Hein. Au-delà de la demi-heure, là, c'est vraiment, tu es en retard et là, c'est vraiment pas bien. Ouais, oui, bah oui, c'est normal. Enfin, en même temps, t'es plus en retard. Là. C'est que t'as plus envie de venir ou que tu t'es perdu. C'est mal poli, c'est pas bien. Ça peut arriver, effectivement. Voilà. Bon, voilà quelques faut faire attention. Et coutume, si vous allez au Venezuela. Pas sûr, quand même. En Égypte, peut-être un peu plus. Ça peut arriver. Rien. Et en Russie, si tu vois une jeune demoiselle, ne lui donne pas une fleur jaune. Hein. Jamais, jaune, jamais. C'est pas bon. C'est jaune, pas une bonne c'est couleur. Pas pourquoi bon, c'est... Ben, parce que ça le fait pas. Bon. C'est tromperie et donc rupture. Attention, donc, si vous draguez une Russe un jour. Fleur rouge. C'est rare, quand même, à La Réunion. Hein. Terence Trent D'Arby, Sing Your Name. êtes là par SMS et sur Facebook, Isa. Ah, bonjour oui, à Facebook. On embrasse Fabrice qui nous a envoyé un petit message et qui veut participer au tirage au sort de vendredi. C'est bien noté, Fabrice. Bonjour mon peuple, bisous à toutes. C'était Terence Trent D'Arby avec Sign Your Name sur Première. 5h30. L'heure du journal, Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. La carrière des lataniers sera-t-elle exploitée à la possession? La maire demande l'avis de la population avec une première réunion d'information ce soir sur les projets en cours. Une association fera aussi des propositions. Nous les découvrirons dans un instant. 12 ans de réclusion criminelle pour Nicolas Espel. L'homme a été reconnu coupable du meurtre de son frère en 2014. Après 2 jours de procès, son geste reste inexpliqué. Des séismes, un gonflement, le volcan va-t-il péter de nouveau cette année? C'est bien possible, les spécialistes le surveillent de près. Et puis les cars jaunes fêtent leurs 20 ans, un anniversaire qui marque aussi l'entrée dans l'ère numérique. Reportage à la fin de ce journal. Plus de sécurité sur le campus du Moufia, voilà ce que demandent les étudiants qui ont manifesté hier. Lundi après-midi, une étudiante a été agressée sexuellement dans les douches de la cité U. D'après les étudiants, le Crous et l'université se renvoient la balle. Chacun considère que c'est à l'autre de mobiliser des moyens pour renforcer la sécurité. Les étudiants sont aussi appelés à être plus vigilants, à ne pas laisser de libre accès aux locaux. Hier, l'enquête menée par les enquêteurs les a amenés au domicile d'un suspect. L'homme qui n'est pas étudiant a été interpellé. À la possession, première réunion publique sur la carrière des lataniers ce soir à la mairie. Vanessa Miranville présentera les 3 projets de sa majorité, des projets qui prennent en compte l'exploitation d'une carrière et un aménagement routier de raccordement à la 4 voies. La maire de la possession l'avait annoncé, les possessionnaires devront choisir entre l'exploitation de la carrière qui rapportera des fonds et une hausse des impôts, à moins qu'une autre voie soit possible, celle proposée par une association Latanier Noodkerdvie. Explication Hubert de. C'est un galet dans la carrière de la mairie que lance l'association Latanier Noodkerdvie. D'abord, elle contre-attaque suite aux 3 propositions qui vont être faites aux possessionnaires dès ce soir lors de la première réunion publique. Stéphanie Gigon est la présidente. C'est pas tant le fait de donner la parole à la population, c'est la façon dont les choses sont présentées. C'est en gros l'augmentation des impôts ou la carrière. Mais l'association ne s'arrête pas là. Elle offre sur un plateau à Vanessa Miranville une 4e proposition. Une proposition naturellement sans carrière et des travaux routier réalisé à moindre coût, 3 millions au lieu des 12 prévus par la mairie. C'est pas très compliqué, c'est qu'on réfléchit un petit peu. Ce qu'on a comme projet, c'est un projet de réaménagement du site le plus naturel possible parce qu'il est très beau comme il est. Il faut juste le valoriser un petit peu, apporter un petit plus, créer une économie derrière, aussi bien touristique que d'agroforesterie. Ça créerait des emplois et notre projet d'aménagement ne coûterait que 100 000 euros. Nous avons également un projet de voie de liaison. Nous, c'est en gros, c'est 300-400 mètres. Ce sont que 2 ronds-points à créer, un pont qui est déjà existant. Des voies de desserte à la 4 voies. Stéphanie Gigon espère pouvoir présenter son projet lors des 3 réunions publiques. On nous a dit que les réunions publiques ne duraient que 2 heures, donc notre présentation est un petit peu plus longue. On va essayer de faire un condensé, mais ce qu'on va faire ensuite, ça sera des réunions dans les quartiers. Le projet de l'association pourrait s'appeler VVA, comme végétalisation, valorisation et aménagement. Hubert Debeu. En bref, les élus de la région ont validé hier la mise en route d'une étude sur le parc national. Ses atouts et ses faiblesses seront bientôt analysés à la loupe. La région veut utiliser cette étude comme un outil de réflexion à la veille des 10 ans du parc. Aux assises, 12 ans de réclusion criminelle pour Nicolas Espel. La cour l'a reconnu coupable du meurtre de son frère Patrick Fagnot. L'avocat général avait requis 15 ans de prison. Au cours du procès, l'accusé a répété ses regrets. Il avait tiré un coup de fusil fatal en direction de la victime. À entendre l'avocat des proches de Patrick Fagnot, les circonstances du drame restent floues. Rien n'explique ce geste, maître Jean-Pierre Gauthier. Non, mieux compris, non. En revanche, on a vu son repentir, qui je pense est sincère et qui n'a que personne ne discute. Maintenant, bon, le problème c'est que ça ne rendra pas la vie Monsieur Patrick Fagnot à la victime. Hein. Mais le procès a eu quand même cette vertu de pouvoir voir ce travail qu'a fait et que fait l'accusé sur lui-même, et je pense que pour la famille c'était aussi important de voir que il n'est pas dans le déni, il n'est pas dans l'indifférence. Maître Jean-Pierre Gauthier répondait à Antoine Garnier. Du suspense du côté du volcan, il se pourrait bien qu'une nouvelle éruption se produise très prochainement. Ce serait la troisième cette année. D'après notre journaliste Pierre Comorassami, le piton de la Fournaise ne dort que d'un œil depuis le dimanche 18 septembre. Les spécialistes observent régulièrement des signes de reprise possibles et notamment ils enregistrent de nombreux séismes. Les précisions d'Aline Pelletier, c'est la directrice de l'observatoire volcan du piton de la Fournaise. En fait, dès la fin de l'éruption, on a commencé à enregistrer de nouveau donc un gonflement du volcan et une reprise donc de la sismicité et du dégazage. Donc suite à la fin de l'éruption le 18 septembre, tous ces paramètres donc qui sont précurseurs des éruptions ont été de nouveau enregistrés par l'observatoire. Donc en fait, ça veut dire qu'on a du magma qui remonte et qui est stocké donc au niveau donc de la chambre magmatique profonde. Et donc là, c'est un phénomène qu'on observe donc régulièrement avant les éruptions, comme on l'avait observé donc en juin ou en juillet dernier. Donc ça veut pas dire forcément qu'on va avoir une éruption dans les jours à venir, mais ça veut dire qu'on a une accumulation de magma en profondeur et qui pourra potentiellement aboutir à une éruption dans les jours, les semaines ou les mois à venir. Nous voilà prévenus, Aline Pelletier, directrice de l'Observatoire, interrogée par Pierre Comorassami. 5h36 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. 20 ans sur les routes de la Réunion, les cars jaunes fêtent leur anniversaire et pour l'occasion, ils se mettent au goût du jour avec des cadeaux pour les usagers, notamment en modernisant les services à bord, services connectés, vous allez l'entendre. L'idée est aussi de séduire plus de Réunionnais et de favoriser à grande échelle le transport en commun pour sortir des embouteillages monstres que l'on connaît, Aurélie Constant. Écran d'information, prise USB ou encore Wi-Fi, le mot d'ordre de car jaune, la modernité. Avec plus de 7000 téléchargements de l'application, le réseau de transport se met au 2.0. Une application qui permet à l'usager de construire son déplacement, de choisir son mode de déplacement. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter, un site internet, la Wi-Fi dans les bus, 12 000 connexions par mois. Donc vous voyez que c'est un réseau vivant. C'est un réseau que nous voulons de plus en plus confortable et de plus en plus performant. Chaque année, ce sont plus de 5 millions de voyages qui sont effectués par les cars jaunes. 139 arrêts existent actuellement, mais seul 5% du territoire n'est couvert par le réseau. Pour Pierre Vergès, ancien vice-président, il reste encore beaucoup de travail. Il y a encore à faire, beaucoup. On a diminué le temps de trajet, on a augmenté la fréquentation, selon les chiffres donnés par le groupement. Il n'en demeure pas moins qu'on nous sera à un moment donné au point de rupture. Car difficile d'envisager un réseau ponctuel avec les nombreux embouteillages si une voie n'est pas consacrée au bus. Cela inciterait peut-être un peu plus les Réunionnais à tenter l'expérience car jaune. C'était un reportage d'Aurélie Constant avec Gaëlle Le Dantec du théâtre pour refermer ce journal avec une création. Elle s'appelle Désarmer le grand cantique. C'est une pièce en créole et en français de la compagnie Nectar. Sur scène, une jeune femme et un jeune homme qui s'aiment et racontent leur amour. Quelque chose peut cependant les séparer. Ils n'ont pas la même religion. Fabrice Lartin et Anne-Gaëlle Warreau interprètent le texte donc en français et en créole. Fabrice Lartin. Enfin, en tout cas, pour moi, ne dérange pas, parce que y a des choses comme ça dans la vie. Parle bien français, puis tout d'un coup, un petit coup en créole. Mais en fait, c'est surtout que le créole, c'est un peu... C'est plus la parole de l'amour, en fait. C'est pas... Là, le texte, et tout ce qui est du cantique, des cantiques, déjà, c'est un texte sur l'amour. L'amour pur, l'amour... Voilà, l'amour charnel. Mmh. Et du coup... Quand il rentre dans le texte, c'est vraiment pour montrer ça en fait, pour être sur le, c'est que sur le plan de l'amour et pour renforcer. Ouais. Voilà. C'est un fond de cœur direct en fait. Fabrice Lartin et Anne-Gaëlle Warreau qu'on entendait au micro de Jean-Paul Mella, Désarmer le grand cantique. C'est ce soir et demain à l'espace Saint-Paul. Rendez-vous à 20h. Merci Cécile. 5h39 sur la première. Michael, côté ciel pour aujourd'hui, c'est plutôt simple. Puisque le ciel plutôt est simple. Oui, c'est simple. C'est plutôt simple. Dans le ciel, c'est simple. C'est simple. Tu comprends, ouais. Cécile. Forcément. Pourquoi pas, ma fille. Bon, c'est pas grave, il est 5h39. Ouais. Allez. Je veux te dire que ça va être très difficile aujourd'hui. Le ciel est plutôt clément. En ce début de journée. En ce début de journée. En ce début de journée, on y arrivera. Toi aussi, oublie la moitié de la phrase. On va y arriver, forcément. Avec quelques nuages quand même qui traînent et petites averses aussi sur la région entre Saint-Benoît et Saint-Philippe en passant par le volcan. Il pleut un petit peu là, donc depuis quelques minutes. Partout ailleurs, le ciel est dégagé, comme à Saint-Denis ou encore à Saint-Gilles ou dans le cirque de Sillaos. Ça va se dégrader cet après-midi. Effectivement, l'Est va garder un ciel plus nuageux. Et puis un grand quart nord-est englobant Saint-Denis, la plaine des palmistes, Salazie, le volcan et Sainte-Rose, même en passant par le sud sauvage, va être soumis aux averses, des averses qui pourraient prendre un caractère modéré. Mais on n'attend pas plus de 25 mm de pluie hein, par région. Et ça annonce le changement de saison entre les deux, les nuages. Et puis la région entre Saint-Gilles et Saint-Pierre devrait bénéficier encore de belles éclaircies. La bande littorale en tout cas, cet après-midi. Les températures aussi annoncent le changement de saison, avec des minis qui sont entre 6 et 9 dans l'intérieur ce matin, 9 à la plaine des Cafres, 6 au volcan, 20 à 21 sur la côte, c'est pas mal. On est légèrement au-dessus des normales de saison. Cet après-midi, on ira jusqu'à 17 au volcan et 28 degrés à Saint-Gilles. On embrasse par SMS au 70-2000 Gilda Duport qui nous a envoyé son petit SMS. André Dutampon, elle est là aussi. Gros bisous à tous. Et on continue de bien noter vos numéros de téléphone pour le tirage au sort de vendredi à la clé votre nuit d'hôtel dans un 4 étoiles de Silla. Salut tout le monde. Bessie aussi sur Facebook qui part en cours ce matin. Ça y est, pour elle. Ah, bah il faut. Hein. C'est reparti pour une nouvelle semaine de cours. Un mercredi. C'est bien de démarrer sa semaine, un mercredi quand même. Bah oui, mais il veut dire ou peut-être Lina Kouch jusqu'à samedi. Bah c'est ça. On peut pas tout avoir. Avant 6h, on vous fait gagner vos invitations pour le concert Enfants Zillois avec l'Indigo et Désiré François qui vont enflammer la scène du petit stade de l'Est. Ça, on attend juste l'arrivée de DJ Fou. C'est lui qui amène les chansons à deviner. Il tarde pas comme Prisca aussi qui sera sur le marché tout à l'heure. Et puis on verra un peu ce qui se passe justement à l'intérieur de la Réunion. Soleil. Il paraît les en colère. Il a causé avec madame la mère. La pile n'y caresse son cœur. Soleil, il paraît elle est en colère. Il a causé avec madame la mère. La pile n'y caresse son cœur. Apprête son rouleur. La brume la met sans l'embâter. Mariage sous la lumière s'éclaire. Il entend dire le vent s'affale sans bouquet flaire. Dans sa vanne un petit parfum l'odeur. Sortit le diable, il proclame son bonheur. Sortit le diable, il proclame son bonheur. Un dessin la vie en couleur. Un dessin la vie en couleur. 5h45, grand matin, réveil La Réunion avec vous tous et toutes ensemble sur le canal SMS 70 2000 ou même sur Facebook. Mmh. C'était Bessie, Davy Myrto. Ah ben, je pensais à Bessie de Facebook justement, à qui on venait de faire un coucou avec Mariage Lodia. Bon, et c'est compliqué ce matin. On se réveille tout doucement, comme vous. Vous voilà. Êtes dans votre voiture ou à la case ou au pied du lit. Restez là, on va à l'intérieur de La Réunion maintenant à Saint-Louis pour le marché avec Prisca. Réunion Première vous invite pour la nuit étoilée. Une rencontre musicale afro-caribéenne le samedi 8 octobre à partir de 20h30 au parc Expobat de Saint-Paul avec Michael, LJ, Pompis, Marvin, Felicia Ross et plein d'autres artistes. Jouez et gagnez vos invitations en écoutant Réunion Première. Et tentez de gagner vos places pour la soirée VIP du jeudi 6 octobre. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.regionreunion.com. Première. Et on rejoint Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Ça y est, Prisca, oui, sur le marché ? Oui, et ça y est, le jour s'est levé. Eh oui. Ça annonce l'arrivée de l'été. Bah oui, et à Saint-Louis, les Saint-Louisiennes sont déjà réveillées. Bonjour madame, comment ça va ? Bonjour, ça va ? Oui, vous la mettez de chapeau ? Ben, moi, la mettre mon chapeau, oui. Et qu'est-ce que vous allez manger ? Vous allez déguster une fraise. Alors, les bons pas ? Les sucrés. Marilyn a ramené des fraises de Saint-Louis. Bonjour Marilyn. Vous êtes agricultrice, Marilyn, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et où est-ce que vous plantez les fraises dans le sud ? Chez Piton-Hyacinthe. Sur Piton-Hyacinthe, ça c'est... on monte un peu, c'est juste au pied du volcan, 19e kilomètre, c'est ça ? Et apparemment, les artichauts, ça pousse bien là-bas. Oui, ben, quoique là, avec la chaleur... Elle est un peu timide, Marilyn. Oui. Là, elle me parle. Et elle a un look. Donc, ça s'entend. Hein. Elle a mis les bottes. Ouais. Elle a mis sa petite doudoune, sa petite casquette. Bien. Et elle a une bonne nouvelle à annoncer à La Réunion. Ah. Que la saison des artichauts est lancée. Oui, ah, les pour ceux qui aiment. 1,30€ pièce. 1,30€ pièce. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lundi, on a parlé des artichauts. C'était 5 euros. Pardon. Ouais. Oui, c'était 5 euros. Ça baisse bien. Et en deux jours... Enfin, ça baisse, après ça dépend, parce qu'en fait, Marilyn, elle peut vendre ses artichauts à 1,30€ parce qu'elle les plante aussi. Mmh. Donc voilà, ceci explique cela. Ah, quoi qui chante du coq, ben. Ouais, allez coq. C'est l'heure de se lever. En direct. Quand le coq nous l'annonce. Mickaël et Isabelle. Salut. Attendez, le coq. Je tends mon micro au coq. Coq, parle-nous. Coq, parle-nous. Mais il est timide. Alors... Ah bah s'il est là, bah ouais, allez. Envoyez le coq, envoyez. Bonjour le coq. C'est vos coqs là, Thierry ? Oui, voilà, c'est mes coqs, oui. Et c'est cool parce que si on vient sur le marché de Saint-Louis, on peut choisir sa volaille. Ah bah ça y est, lancé voilà. Maintenant, on l'arrête plus. Oui. Donc en plus, avec Thierry, en fait, on a la possibilité d'acheter, de choisir le coq ou la poule. Hein, Et puis après, en fait, Thierry, il a un laboratoire. Il va couper, il va trancher, il va hacher. Je crois qu'il vous drague là, Prisca, il vous drague. Non, c'est une poule, Mickaël. Ah bon, ok. Bon. Je crois que c'est pour vous le message. Ah bon, ah, là, là. Ah peut-être. Ah là là. Donc, Thierry, une histoire d'amour installé... secret. Ah bah oui, là, c'est fou. Vous avez installé votre laboratoire. C'est important de préciser ce nouveau concept, Thierry. Oui, voilà. Ça fait déjà 3 mois que j'ai eu l'agrément pour pouvoir abattre les volailles. Parce qu'on moi a pas aussi, le droit je t'aime. On n'a pas le droit de tuer les volailles sur les marchés. Hein. Une question d'hygiène. Une question d'hygiène, voilà. Oui. On a le droit de choisir sa volaille. Et puis donc, bah comment ça se passe alors? Si moi je veux... Enfin, Mickaël, si lui il veut la poule, là. Il fait comment? Comment je fais ouais, parce que... Commander la volaille, et puis une semaine sur l'autre, ou bien la veille, et puis je peux abattre ça chez moi, que sur commande. Je vais venir, Thierry. Condition. Je la commande, direct là, parce que je crois qu'elle m'aime bien. Elle m'a adopté. Est-ce que le prix c'est pareil ? Non. Ah. C'est à 8€ le kilo de viande propre. Oui. Quand vous dites viande propre, c'est quoi ? C'est plumé, haché, et puis bon. Que le. Je tue le buzz à 8€ le kilo ensuite. D'accord. Ah oui. D'accord. Ah mais là c'est plus pareil. Si on achète le poulet sur pâte ou le coq sur pâte, ça revient dans environ 5 euros le kilo. D'accord. Bon, okay. Bah, okay, on a fait, vous avez sorti votre calculatrice là, ouais, pour le carré poulet. Alors combien fait de kilos ? Combien fait de kilos la poule là ? Parce que je vais pas la prendre plumée moi quand même, hein. Faut pas. Combien de kilos la poule là ? Les coqs environ 4 à 4 kg 500. Et les poules ? Avec les plumes. Oui. Sans les plumes. Un poulet tué, ça revient entre 3 kilos et 4 kilos, ça dépend le. Oh, ok, l'âge. Ok, ok. Vous avez de quoi inviter la famille, les amis. Oui. Hein, vous avez envie de faire un bon repas, ouais, pour ce week-end ou même pour ce midi, parce que Thierry, vous faites le marché de Saint-Louis, mais vous restez pas jusqu'à midi ici. Hein. Jusqu'à 9h30 à peu près. Voilà. Ensuite, les autres marchés forains, je reste un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Quoi. Et pourquoi ? Il y a une explication. En général, ce que le marché de Saint-Louis, ça ne vend pas vraiment trop jusqu'à plus tard. Enfin. La chaleur. Et puis, il y a la chaleur aussi. Et j'en profite quand je suis dans les bas pour aller prendre un papier à droite, à gauche, pour avant de remonter. Oh, embarquer la poule, Prisca, voilà. Embarquer la poule. Comment joindre l'utile à l'agréable. Oui. Et, attendez, je crois que la poule a encore un message pour Mickaël. Oui. Allez, vas-y, parle, ma poule, parle. Oh. Ah oui, là je crois que ça y est. Elle te dit qu'elle t'aime beaucoup. Ça y est, je crois. Ça y est, ouais. Elle t'adore, elle bon. Te demande. Alors, elle veut t'épouser, Mickaël. Ben, c'est bon. C'est bon, on va faire les bancs demain, les bancs du mariage. C'est bon. Ouais, allez. Attends, il y a le papa, ouais, qui est là. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il faut payer d'abord. Voilà, faut payer. Oh bah ouais, note encore. Faut une dot. Faut une dot. Allez, Prisca, à tout à l'heure. Prisca. Bye bye. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Ah bah. Allez, on va jouer, c'est le mixeur. Grand matin, le mixeur. À vos téléphones, 0262 99 2000. Puis on s'occupera de la poule après. Enfin, on occupe la poule ou même. Bon, allez, en attendant, on joue. Le DJ Fou est avec nous. Il est venu, eh bien, avec facile. Ses. Il cause pas, il s'est facile, vrai, pas hein. Facile, il me dit facile. Allez, facile, c'est mais parti. Comme d'habitude, écoute. Jamais rien demandé. Ah ouais, facile. Ça, c'est pas la mer à boire. Face à l'éternité, ça va même. On pas vous demande se le voir. Titre ou l'artiste ça ce matin, hein, et puis vous repartez avec vos invitations pour le il concert. Est là, le bonheur, il est là. Il est là. Le concert des Enfants Zilois avec Indigo, ah bah et Désiré François. Allez. Ça sera donc le 7 octobre prochain au exactement. Petit Stade de l'Est. 3 heures de concert et vous, eh bien, vous avez envie d'aller voir ce concert exceptionnel. Il suffit d'appeler tout de suite, composez le 99-2000 et donnez-nous, eh bien, le nom de ces artistes ou alors le titre, le bonne chanson. C'est pas plus compliqué que ça. 99-2000. Bon, qui veut partir au concert là pour voir ces artistes d'exception pendant 3 heures? Ils vont faire le show, ils vont mettre l'ambiance dans le petit Stade de l'Est. Il suffit de trouver les deux titres ou les deux artistes, hein, c'est aussi simple que ça. Oui. Bon allez, on file au standard. Allô. On file au standard et on va prendre par exemple là, voilà, le premier appel. Bonjour. C'est lui ce premier appel. Bonjour. Allez. Bonjour, bonjour. Oui. C'est bonjour. Qui c'est qui au bout du fil? C'est Brigitte. Bonjour. Salut, Brigitte. Brigitte. Brigitte, où venez d'où? De Saint-Paul. De Saint-Paul. Brigitte, c'est la première fois qu'elle nous appelle, donc bienvenue Brigitte. Merci. Et vous allez me donner les titres et les artistes. Allez. Alors, comme on ça, l'a reconnu c'est Brigitte. Oui, c'est alors. Céline Dion encore avec soi. Ouais. Ouais. Et Christophe Maé, il est où le bonheur? Eh ben c'est parfait, eh ben le bonheur, voilà. Il est pour vous, ma chère Félicitations, Brigitte. Félicitations, Brigitte, les invitations pour ce concert Enfants Zilois, le 7 octobre, Petit Stade de l'Est, eh bien, l'époux, on a deux places, donc ça va avec la personne que vous voulez. C'est bon? D'accord. Eh ben Brigitte, on vous fait un bisou, on vous souhaite une bonne journée. À bientôt, merci. Brigitte. À bye bye. Bye bye. 5h53, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Sorès Claude Rosaire. Monsieur Sorès Claude Rosaire, le décès survenu hier à l'âge de 78 ans. La veillée a lieu à la maison de retraite de Saint-Joseph. Le convoi mortuaire sortira de la maison de retraite aujourd'hui à 10h30. La bénédiction aura lieu en l'église du Butor à 11h, suivie de l'inhumation au cimetière de Petite-Île. Décès de Madame Turpin, n'épousée Marie-Ange. Madame Turpin, n'épousée Marie-Ange, dite Madame Valère. Le décès survenu hier à l'âge de 72 ans. Le convoi mortuaire sortira du 9 impasse des Jonquilles à Petite-Île aujourd'hui. La bénédiction aura lieu en l'église de Petite-Île, l'inhumation au cimetière de Prima. L'heure sera précisée ultérieurement. Décès de Monsieur Chamant Léon Émilien. Monsieur Chamant Léon Émilien. Le décès survenu hier à l'âge de 87 ans. Le convoi mortuaire sortira du 6B, chemin Pitonwaki à la rivière Saint-Louis aujourd'hui. La bénédiction aura lieu en l'église Notre-Dame de Fatima à la rivière. L'inhumation au cimetière du même lieu. L'heure sera précisée ultérieurement. Décès de Monsieur Séry Philippe. Monsieur Séry Philippe, époux de Madame Séry Marie Nadine. Le décès survenu lundi à l'âge de 47 ans. Le convoi mortuaire sortira du 142 chemin Corbeil d'Or au Tampon aujourd'hui à 13h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Pont-d'Yves à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière de Bras de Ponto. Décès de Monsieur Grondin Joseph Alain. Monsieur Grondin Joseph Alain, retraité de France Télécom. Le décès survenu dimanche à l'âge de 84 ans. Le convoi mortuaire sortira du 2 rue Jules Waro aux Lianes à Saint-Joseph aujourd'hui à 10h30. La bénédiction aura lieu en l'église des Lianes à 11h, suivie de l'inhumation au cimetière des Lianes. Décès de Monsieur Mahé Emmanuel Marie-Joseph, dit Capitaine Mahé. Monsieur Mahé Emmanuel Marie-Joseph, dit Capitaine Mahé. Le décès survenu hier à l'âge de 84 ans. Le convoi mortuaire sortira de chez sa fille, Madame Nourri Martine, 17 rue Benoît de Boulard, Bourbier-Beaulieu à Saint-Benoît, aujourd'hui à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Monsieur Waro Antoine Jean-Hugues. Monsieur Waro Antoine Jean-Hugues. Le décès est survenu lundi à l'âge de 56 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile au 58 chemin de Ceinture à Saint-Benoît. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Et Mickaël, c'est l'heure des infos pratiques. Oui, on va commencer par le TCO qui mène actuellement une enquête publique sur la révision du Scott West. Vous vous intéressez à l'aménagement de votre territoire. Afin d'en savoir plus sur schéma de cohérence territoriale, eh bien le TCO vous invite à une réunion publique ce mercredi 28 septembre, donc en salle du conseil municipal de Saint-Paul de 17h30 à 19h30. Plus d'informations sur le www.tco.re. Des perturbations, voire des coupures pourraient se faire sentir aussi à partir de 14h. On parle de coupure d'eau à Saint-Pierre-Condé 400. La remise en eau est prévue à 21h sauf incident. Distribution en eau interrompue aussi toutes les nuits de 22h à 5h du matin. Ça se passe dans le secteur de l'Entre-deux, rue Jean-Laurette, partie comprise entre la rue de l'Église et rue de la Table, chemin Le Perrier, des Acacias, de l'Arc-en-Ciel, impasse des Bananiers, rue des Faux, chemin Neuf, rue Benjoin, chemin de la Source Raisin, rue Maurice Berrichon, de la Cure, Corneille, lotissement Benjoin 1, 2 et 3, chemin Trou de Terre, impasse des Goyaviers, toutes les voies adjacentes. C'est à l'Entre-deux toutes les nuits de 22h à 5h du matin suite à un manque de ressources. Ça commence bien pour la saison estivale. Mercredi, c'est aussi le jour des coupures d'électricité à Saint-Philippe de 12h30 à 16h, 34A rue Lecomte de Lille. C'est donc le numéro qui est concerné à Saint-Philippe. Et puis Petite-Île de 12h30 à 16h, ruelle Nicéphore, allée des Ananas, ruelle Fred Isotier, Maé de Labourdonnais, Joseph Suaco, Général de Gaulle, impasse des Manguiers, des Fouchias et rue Adénor Payette. Certaines rues sont concernées seulement en partie. Mercredi, c'est aussi jour de coupure à Saint-Denis. Coupure d'électricité de 8h à 14h30 à Sainte-Clotilde, plus précisément chemin de la Grotte, chemin Breton, Fontbrune, des Vacois, du Premier Bras, de l'Illette-la-Source, des Tournesols, des Cocotiers, à Petite-Île de 9h à 14h, chemin Joseph Potin, rue Maé de la Bourdonnais, rue de l'Est, Joseph Waro et rue des Perdrix. Là aussi, certaines rues sont concernées en partie seulement. Florent Marot qui arrive. Oui, pour le journal. C'est pas très loin. Ouais, elle sera là à 6h. Mm. Et d'ici là, continuez de nous envoyer vos j'aime sur Facebook. Peut-être ou par SMS. 70 2000, Mickaël. Il y a un week-end à Silos, peut-être beau. Si c'est pas beau tout ça. Des îles. Une nuit, je fais la rivière. Une nuit, je pleure la mer. Un jour sans toi, baby, c'est trop beaucoup. Je fais pleurer un océan. Toi que j'aime infiniment. Sans vous, mon bébé. Sans même mon poéré. Munich, je fais la rivière, une heure, je pleure la mer. Un jour sans toi, baby, c'est trop beaucoup. Coucou, blesse mon sentiment, ça fait longtemps que je t'attends. Sans vous, mon bébé, et toi, je t'en rêvais. Baby girl, c'est ton amour, ma seule richesse. C'est pour cela que j'ai toujours donné mes caresses. Nous sommes sommes seuls à faire son ordre de promesse. Que jamais nous va séparer, tu vas rester ma princesse. À chaque fois tu es absent, mon qu'on est vêtu des deux. Quand tu es à mes côtés, mon nous laisse passer de vitesse. Ne laisse pas Satan nous contrôle pour faire des mauvais gestes. Je vais pleurer un océan pour que tu sois ma princesse. Une minute je vais l'arriver, une heure je pleure la mer. Un jour sans toi, baby c'est trop beaucoup. J'ai fait pleurer un océan, toi que j'aime infiniment. Sans où mon bébé, sans même mon fouéré. Une minute je vais l'arriver, une heure je pleure la mer. Un jour sans toi, baby c'est trop beaucoup. Coucou blesse mon sentiment, ça fait longtemps que je t'attends. Sans où mon bébé. Je vais te faire savoir que mes paroles sont sincères. Donne-nous tout mon amour à cause du compte mon vrai valet. Un jour on se sépare, tu vas me quitter en plein. Donne-nous tout mon amour à cause du compte mon vrai valet. Parfois je suis coupable, j'essaie d'éclairer mon innocence. Tu me pardonnes parce que tu m'aimes et tu me donnes ou qu'il s'entasse la séparation. Un titre qui a déjà 10 ans, Michael. Bah oui, la sortie en 2006. Ça passe vite. T'étais pas obligé de le dire, hein. T'étais pas obligé. Hein. Bah si. Bon. Oui, nous les vieux, bon, c'est comme ça. Et puis ceux qui ont 10 ans connaissent pas, donc du coup. Mais si, ils connaissent maintenant. J'écoute sur Réunion. Voilà, bah forcément. Allez, il est 6h sur la première. C'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Elle va coûter 50 000 euros. L'étude sur le parc national a été validée hier par la région. Officiellement, c'est un état des lieux à la veille des 10 ans de la structure. L'opposition, elle, craint toujours un déclassement. A-t-elle raison de s'inquiéter ? Élément de réponse dans ce journal. Il aurait une vingtaine d'années. Un jeune homme a été arrêté suite au viol d'une étudiante dans une résidence de la cité universitaire. Hier, 300 étudiants ont manifesté pour réclamer plus de sécurité. Nous étions sur place. Nicolas Espel ne devrait pas faire appel. Il a été condamné hier à 12 ans de réclusion pour le meurtre de son frère. C'était en 2014 dans le bas de la rivière à Saint-Denis. Nicolas Espel qui a dit durant l'audience aux assises regretter son geste. Et puis désarmer le grand cantique. Cette pièce de théâtre en créole et en français est programmée ce soir à l'espace Saint-Paul. On en parle à la fin de cette édition. La décision était attendue. La région a validé hier en commission permanente l'étude consacrée au parc national. Coût de l'opération 50 000 euros. Les atouts du parc, ses points de blocage seront bientôt analysés. Officiellement, la majorité régionale parle d'un état des lieux à la veille des 10 ans de la structure, mais l'opposition, elle, dénonce une manière déguisée de transformer le parc national en parc régional. Une promesse de campagne de Didier Robert. Petit retour en arrière avec Delphine Poudroux. Souvenez-vous, c'était en décembre 2015. Le président de région Didier Robert était à l'époque en campagne pour les régionales. Le parc national, de mon point de vue aujourd'hui, est un outil un peu trop contraignant. Donc l'objectif, c'est effectivement de pouvoir glisser vers la notion de parc régional qui permettrait à la fois de préserver, mais également d'assurer le développement et peut-être, pourquoi pas demain, la création de structures d'hébergement, donc sur des sites emblématiques autour du volcan ou dans les très belles forêts réunionnaises. Mais aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'expliquer le pourquoi de cette étude sur le parc national, le président Didier Robert s'exprime par la voix de son élu, Sylvie Moutoukomora-Poulet. Nous en sommes au stade des réflexions. Nous voulons précisément savoir où on va, mais aujourd'hui, en aucun cas, on est parti pour déclasser le parc. Alors forcément, même si la région affirme vouloir analyser toutes les situations de blocage sur le parc, du côté de l'opposition, on s'interroge. Patricia Profil est conseillère régionale PLR. J'ai posé la question, est-ce qu'il y a des intérêts privés de familles qui sont mis en avant dans cette réflexion ? Le président ne m'a pas répondu. Au-delà, le PLR craint surtout que le changement de statut qui se profile entraîne la perte du label UNESCO. Un atout devenu essentiel pour le tourisme local. Et les résultats de cette étude sont attendus avant la fin de l'année. Et puisque l'on est à l'intérieur du parc national, se dirige-t-on vers une nouvelle éruption au Piton de la Fournaise, la troisième de l'année. Le volcan montre une certaine activité. Il ne dormirait en fait que d'un œil depuis le 18 septembre dernier. Les volcanologues observent en ce moment de nombreux séismes et des gonflements de l'édifice volcanique. C'est ce soir que la mairie de la Possession a prévu sa première réunion publique sur l'exploitation de la carrière des Lataniers. La maire, Vanessa Miranville, présentera les trois projets de sa majorité. Deux autres réunions sont prévues. Mais les discussions n'ont pas encore débuté que l'association Lataniers Noutkeertvi contre-attaque avec un quatrième projet. Un projet pour réaliser l'axe routier de l'opération Cœur de Ville, la valorisation et l'aménagement de l'ex-carrière, et cela sans augmenter les impôts. Stéphanie Gigant est la présidente de l'association Lataniers Noutkeertvi. Ce qu'on a comme projet, c'est un projet de réaménagement du site le plus naturel possible parce qu'il est très beau comme il est. Il faut juste le valoriser un petit peu, apporter un petit plus, créer une économie derrière, aussi bien touristique que d'agroforesterie. Donc ça créerait des emplois et notre projet d'aménagement ne coûterait que 100 000 euros. Voilà, avec derrière des gains pour une éventuelle association qui s'inscrirait dans l'exploitation du site. Nous avons également un projet de voie de liaison qui n'est pas du tout celui prévu par la mairie. Donc c'est une cinquième sortie qui serait créée sur la 4 voies, qui désengorgerait les quatre autres dessertes qui existent déjà et qui serait beaucoup plus proche en plus de la ZAC Cœur de Ville par rapport à la 4 voies du côté sud. Nous, c'est en gros, c'est 300, 400 mètres. Ce sont que deux ronds-points à créer. Stéphanie Gigant, présidente de l'association Lataniers Noutkeertvi, interrogée par Hubert Debeu. Un suspect a été interpellé hier dans cette affaire de viol à l'université. Une étudiante de 17 ans a été agressée dans les douches collectives d'une résidence universitaire. L'auteur des faits serait donc un homme d'une vingtaine d'années extérieur au campus. Il est actuellement en garde à vue au commissariat Malartic. Hier, 300 étudiants se sont rassemblés sur le campus pour dénoncer l'insécurité grandissante. Ils ont été reçus par le président de l'université et par le président du CROUS. Les précisions de Thomas, étudiant en master 1. On a commencé à nous poser des arguments comme quoi c'était la faute d'un parpaing parce que la porte n'était pas fermée, etc. On a trouvé ça quand même un peu aberrant. On a essayé de trouver des solutions. On a essayé de vider aussi notre sac parce qu'on l'a quand même mauvaise. Ça fait déjà plusieurs fois que des étudiants se font agresser, peut-être pas sexuellement, mais même au niveau des filles, elles sont souvent interpellées. Il y a déjà eu une personne qui s'est fait attaquer qui a pris un coup de tournevis. Donc, de toute façon, le gros problème de sécurité, il nous parle des portes qui ne sont pas fermées, etc. On trouve surtout que c'est un problème humain qui manque peut-être un peu de personnel. On nous a parlé de moyens avec une sécurité canine, etc. Les personnes sont formées, mais les chiens ne sont pas là. Donc on espère surtout une hausse des effectifs et puis voilà. Thomas, étudiant Master 1 au micro, réunion première d'Olivier de la Richaudy. Une nouvelle réunion pourrait être organisée aujourd'hui avec les étudiants. La victime, âgée de 17 ans, a de son côté porté plainte. L'enquête a été confiée à la brigade des mineurs de la Sûreté départementale. Nous reviendrons sur cette agression avec les invités de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Elno Herrier, le président de l'UNEF, et Lounis Saïbi, fondateur du syndicat La Réforme. 6h07 sur la première, la suite du journal Florent Marot. 12 ans de réclusion criminelle, c'est la peine prononcée hier aux assises à l'encontre de Nicolas Espel. Le Dionysien a été condamné pour meurtre. Il a tué en 2014 son frère, Patrick Fagnot, d'un coup de fusil dans le dos. Cela s'est passé dans le quartier du Bas de la Rivière. Les deux hommes s'étaient, semble-t-il, disputés pour une histoire de canard. Nicolas Espel, qui a dit regretter son geste, ne devrait pas faire appel. L'un de ses avocats, maître Laurent Payen. L'important, c'est la perception qu'a eu notre client de la peine qui a été prononcée, qu'il accepte, hein, il a toujours accepté sa responsabilité. Je pense que, au regard de la peine encourue qui était quand même de 30 ans, des réquisitions du ministère public qui étaient quand même de 15 ans, la réduction qui a été prononcée par la Cour correspond à la sincérité de sa personnalité, des regrets qu'il a exprimés, du pardon qu'il a demandé, notamment quand il a eu la parole en dernier. Je crois que tout le monde a pu juger de la sincérité de ses regrets et de ses remords et que c'est ça le plus important. Maître Laurent Payen, l'avocat de Nicolas Espel, au micro, réunion première d'Antoine Garnier. Dans le reste de l'actualité, une ogive qui pourrait dater de 1870 a été découverte hier enfouie en plein centre-ville de Saint-Denis. Ce sont des travailleurs du bâtiment qui ont trouvé l'arme au milieu d'un chantier de terrassement rue Juliette Dodu. Du théâtre pour terminer ce journal avec Désarmé, le grand cantique, une pièce en créole et en français de la compagnie Nectar. Il s'agit du récit d'une femme et d'un homme qui s'aiment et racontent leur amour. Mais voilà, les amants n'ont pas la même religion, ce qui va compliquer leur idylle. Côté acteur, on retrouve Fabrice Lartin et Anne-Gaëlle Ouarot. Tous deux sont déjà montés sur les planches. Mais dans Désarmé, le grand cantique, Anne-Gaëlle Ouarot vit pleinement son amour. Je te connais que voilà, et il y a un problème de oui et non dans notre entourage pour elle. Mais je te connais que surtout, Ben, surtout elle, comme elle dit, moi je parle plus de elle parce que c'est mon texte. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est vraiment que peu importe le contexte qu'elle connaît, elle y sent qu'elle y doit, que cet amour-là, il peut être et surtout il doit être. Et ça, c'est le plus important, c'est qu'il doit. Il doit être comme un modèle en fait, et pour tout le monde et pour Zot en premier. Et que... C'est son objectif. Elle dit ben, s'il n'a point ça, n'a point rien d'autre. Anne-Gaëlle Ouarraud avec Jean-Paul Mélade, Désarmer le grand cantique. C'est donc ce soir et demain à l'espace Saint-Paul dès 20h. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info ce matin, Noémie Bonin. C'est une première, une entreprise de l'eau condamnée par une cour d'appel pour avoir réduit illégalement le débit d'eau chez un particulier. La SOR avait limité l'alimentation en eau chez une famille de Limoges à cause d'une facture impayée en 2015. Le quotidien était intenable, le robinet ne laissait passer qu'un tout petit filet d'eau. Pour la cour d'appel, c'est donc illégal. Cette décision doit faire jurisprudence. Deuxième jour de procès dans l'affaire de la chemise arrachée ce mercredi. Pour l'instant, les témoignages sont assez fragiles à cause de la confusion générale qui régnait ce 5 octobre 2015 quand les deux cadres d'Air France ont été chahutés. 15 salariés sont jugés. Bernard Squarcini passe sa deuxième nuit en garde à vue. L'ancien patron du renseignement intérieur est toujours interrogé par la police des polices. Il est soupçonné d'avoir récupéré des informations confidentielles pour ses affaires privées alors qu'il avait quitté la police. L'ex-chef de la PJ, la police judiciaire parisienne Christian Flèche, a terminé lui sa garde à vue. Il sera convoqué chez le juge d'instruction prochainement. C'est un livre explosif à deux mois des primaires de la droite, celui de Patrick Buisson, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Ça s'appelle « La cause du peuple » et c'est en librairie jeudi. Patrick Buisson règle ses comptes avec l'ancien président. Il y a de multiples anecdotes, souvent amères. Il affirme entre autres que Nicolas Sarkozy aurait sciemment laissé éclater des émeutes dans Paris au moment de la contestation contre le CPE, le contrat première embauche en 2006. Nicolas Sarkozy était à l'époque ministre de l'Intérieur et en plein affrontement avec le chef du gouvernement Dominique de Villepin. Le PDG d'Alstom face aux députés ce mardi, Henri Poupart-Lafarge, a été longuement auditionné par la commission des affaires économiques de l'Assemblée. Il a dû s'expliquer sur le projet de transfert du site de Belfort vers l'Alsace. Pendant ce temps, les salariés d'Alstom se sont mobilisés. Journée d'action et de grève. En Syrie, l'armée avance dans la ville d'Alep, soutenue par la Russie. Elle a pris le contrôle d'un des quartiers rebelles. La situation humanitaire est catastrophique. Les bombardements sont très intenses depuis la fin de la trêve dans le pays, il y a une semaine. L'Organisation mondiale de la santé réclame l'ouverture de couloirs humanitaires. En football, Monaco garde la tête de sa poule en Ligue des Champions. Le club de la Principauté a arraché le match nul un partout contre Leverkusen ce mardi soir. Lyon, en revanche, tombe à la troisième place de son groupe. Défaite 1-0 à Séville. Dans le choc de la soirée, le Real Madrid, tenant du titre, a été tenu en échec à Dortmund, 2-2. Place au PSG ce mercredi soir, les Parisiens se déplacent en Bulgarie. Match contre Ludogorets. Il est 6h12. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et Mickaël, le ciel est plutôt bleu ce matin, part dans l'est avant une dégradation cet après-midi. Oui, à la mi-journée, on devrait avoir encore un peu plus de nuages et une bonne couche de grisaille hein, dans l'est, surtout sur les hauteurs et le volcan, Salazie, la plaine des Palmistes et le volcan, avec déjà de bonnes averses, les premières bonnes averses avant l'été. Et Saint-Denis, Saint-Philippe ne seront pas épargnés par ce temps mitigé. Et puis plus on ira vers l'ouest et le sud-ouest, plus on trouvera du soleil, donc des nuages entre les deux. Et puis une bande littorale entre Saint-Gilles et Saint-Pierre qui fera donc... plutôt office d'irréductible avec du soleil attendu encore cet après-midi entre Saint-Gilles et la région Saint-Pierre-Oise. Température sous le vent 50-60 km/h sur Saint-Pierre, 27 degrés cet après-midi. Et puis Saint-Denis, on aura aussi du vent et 26 degrés, 17 degrés au volcan dans l'intérieur. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et aujourd'hui, le point trafic avec Jean-Claude Machir. Vous êtes à Fleurimont. Bonjour. Salut Jean-Claude. Bonjour Isabelle. Bonjour Mickaël. Avec un beau temps, une circulation plutôt agréable ici pour l'instant sur les hauteurs de Fleurimont et sur la départementale 8 pour rejoindre cette nationale pour repartir en direction de la route des Tamarins. La route des Tamarins qui, elle, connaît ce premier ralentissement bien depuis 5h, 6h moins 10. Nous avions déjà les véhicules à l'arrêt à la hauteur de Belmen. Et ça continue à s'amplifier puisque maintenant nous sommes à la hauteur du viaduc de Saint-Paul en direction de Saint-Denis. Sur la route du littoral, pour l'instant, ça se passe sans trop de difficultés. L'entrée ouest et l'entrée est restent dégagées, même si la circulation est très dense en provenance de l'est. Et pour l'instant, dans le sud, on ne connaît pas de difficultés de circulation. Sur le boulevard sud, pas trop de ralentissement pour l'instant. Le pont Vincennes en direction de Belletière reste lui aussi dégagé. La plus grande prudence est recommandée à toutes et à tous. Soyez patients si vous êtes du côté de Belmen. Bonne route à vous. Inforoute vous a été proposée par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Ah ben oui. Ah c'est le coq. Là, c'est le coq. Bah oui, le c'est coq, celui de Saint-Louis, c'est sur le celui, marché. Celui de Saint-Louis, il y avait la poule tout à l'heure, et puis le coq hein, qui est de retour. En même temps, c'est l'heure là. Bon réveil à tous. Là, il faut vraiment lever. Il est 6h14 dans toute la Réunion. Avant 6h30, on vous fait gagner 20 euros que vous pourrez aller dépenser chez Espace Fraîcheur. Mmh. Et ça, c'est peut-être pour vous à condition de... Bah de nous appeler, bah oui, un seul numéro de téléphone à retenir ce matin, le 02 62 99 2000, pour repartir avec ce bon d'achat. Et on ira bien de nouveau sur le marché forain de Saint-Louis avec Prisca. C'est la saison des artichauts, officiellement lancée ce matin. C'est comme ça que ça se passe, le réveil continue sur tous les canaux de communication avec nous. Hein, dans Grand Matin, vous pouvez nous envoyer un petit message 70 2000 sur Facebook aussi, puis nous appeler et nous faire un petit coucou. Ça nous fait toujours autant plaisir, où que vous soyez à La Réunion. Bah oui, c'est ça qui est chouette. On embrasse Héloïse. Allez, pourquoi pas. Oui. Bisous Héloïse, à son chéri, à ses filles. Voilà, Isabelle de Saint-Benoît, elle est là aussi. Bisous ma doudou. Bonne route à tous, bon début de journée. Pas la peine d'appeler les secours, vous les pompiers, pas la peine, j'en ai fait le tour. Les gyrophares et les sirènes ne feraient qu'alourdir, oh ma peine. Je ne cherche plus à les faire taire depuis le temps où j'ai laissé faire. Oh, mes insomnies sont les pages blanches que chaque nuit je remplis. Mes insomnies sont aussi blanches que le ciel de Paris. Mais j'en somme si je perdais. Saoulant, pas la peine, je n'aime pas les bonbons. Tous ces mélanges d'apothicaires me feraient oh, la tête à l'envers. Je n'ai plus envie de lutter. Avec le temps, je laisse aller. Mes insomnies sont les pages blanches que chaque nuit je remplis. Mes insomnies sont aussi blanches que le ciel de Paris. Mais j'en somme si je perdais mes insomnies. Je me perdrais aussi. Oh, mes insomnies sont les dimanches que chaque nuit mes insomnies, mon cœur qui flanche, mes souvenirs aussi. Mais en somme, si je perdais, oh, mes insomnies sont les archanges qui se penchent sur ma vie. Mes insomnies, et Isabelle de de Saint-Benoît souhaite un joyeux anniversaire à sa nièce Shakira, qui a 13 ans aujourd'hui, puis son fils, ça sera demain. Et il aura quoi? Il aura 13 ans aussi. Tout simplement, Isabelle Saint-Benoît qui nous a envoyé une petite photo sur Facebook. Autant te dire que dimanche, ça va être la fête là-bas. Hein. Ah oui, il y a de quoi faire. Deux anniversaires dans la semaine. Voilà, une fête, deux anniversaires, plein de cadeaux, tout ça c'est parfait hein, quand vous fêtez comme ça le week-end. On revient dans un instant, on va sur le marché de Saint-Louis, et puis on vous fera gagner vos 20 euros. Ça arrive, à tout de suite. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Réunion Première vous invite pour Enfants Zilois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. Première. Allez, qui veut s'acheter ces fruits et légumes là comme ça et gratuitement puisqu'on vous offre les 20 euros. C'est ça, nous donne le bon d'achat et après ça va dans les magasins espace fraîcheur puis ça t'y dépense. L'occasion d'emmener les enfants pour qu'ils découvrent un peu. Hein, c'est quoi les aubergines, quoi un bringel. Tu comprends les artichauts, on n'a jamais vu. C'est vrai, c'est un peu comme les poissons, faut pas les dessiner avec une forme carrée, quoi, comme le font certains marmailles. Ils l'ont fait quoi que à la Réunion, c'est rare parce que c'est vrai qu'on les voit les poissons. C'est vrai. Mais là où on voit pas les poissons, c'est parfois difficile. Ouais. Vous appelez 02 62 99 2000, c'est le moment d'appeler encore et nous de choisir. Tiens Isa, qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi. À droite, non à gauche. À gauche, à droite. Non. Allez là. On va à Saint-Leu. Saint-Leu, allez. Hop. T'es sûr? Cliquez, craquez. Saint-Leu sûr. Bonjour Lola. Bonjour. Lola de Saint-Leu. Ça va Lola? Oui, ça va bien, oui. Ouais, vite fait, hein. Et speed, hein. Elle est déjà bien active le matin. Pour le fruit et les légumes, bien sûr. Alors? Oula. Bon Lola, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui là? On dirait qu'on est bien réveillé, on est paré pour envoyer là. Ben oui, pour préparer pour la journée, là, je réveille pour préparer le petit déjeuner de ma fille qui part au lycée. Voilà, et puis je suis femme de ménage, je prends le ménage à la maison. D'accord. On ne repas et tout. Mais c'est une bonne journée qui s'annonce, ça, Lola. Ah ben oui. Bon, ben parfait, ça sera encore mieux que 20 euros. Dans la poche. De bon d'achat. Bravo. Merci. Félicitations à vous, Lola. Un cadeau offert par Réunion Première et les magasins Espace Fraîcheur. Lola, merci. On vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci, vous aussi de même. À très bientôt, salut, Lola. À bientôt. Allez, bye bye. Faites-le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et Prisca de retour sur le marché forain de Saint-Louis. Oui, avec un ciel bleu ici dans le sud et beaucoup de monde déjà. Hein, France-Mai, bonjour. Bonjour. Comment il est France-Mai ce matin? Ben c'est bien, c'est comment dire attirant quoi. Ben oui, parce que en fait France-Mai, c'est la première fois que vous vous installez ici. Deuxième fois aujourd'hui. Mm-hmm. Et c'est bien. Vous venez de Saint-Joseph et vous avez ramené dans le camion des arlores jaunes pour faire le curry, notamment le curcuma. Oui, le curcuma qui vient à peine des Grecs de mon terrain. Et c'est moi-même qui fabrique tous les produits. Quoi. Vous les transformez en fait. Vous plantez, vous transformez. Voilà. Je fais un peu de la transformation des sirops, de la gelée de curcuma. Et c'est ça qu'on va déguster là ce matin. Préparez un morceau de pain là, Isabelle, Mickaël, un petit peu de beurre. Ben on n'a rien. Comment on fait? On aimerait bien, on n'a pas le pain. Donc rien. Voilà. Oui. Mais moi j'ai une cuillère. Bon. Ah, c'est déjà pas mal. Alors, ça commence bon. Bien. Imaginez que vous trempez votre cuillère Isabelle, dans ce pot de gelée de curcuma. C'est bon ça. Hein. Comment vous faites ça, la gelée de curcuma? Alors c'est comme le sirop, mais c'est une façon de transformer, sans mettre aucun produit dedans. Ouais. C'est naturel. C'est naturel. Et puis, c'est le savoir-faire, quoi. Vous avez lancé l'idée? Oui, voilà. C'est la première à le faire, la gelée du curcuma. Et bientôt, on va pouvoir monter là-haut, là, sur les hauteurs de Saint-Joseph, parce qu'il va y avoir la fête de curcuma. Oui, la fête du curcuma, ça va commencer le 10, 11, 12 et le 13. Oh, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Bon, ben, on vous attend ici, les amis, hein, avec... France-Mai qui arrive de Saint-Jean, vous avez Thierry également. Juste peut-être le prix de la gelée de curcuma. Oui, ça alors, la utile. Gelée de curcuma, c'est 6 euros le grand pot de 500 millilitres. Et le 250 grammes, c'est 4 euros. Et franchement, elle a ramené du miel hein, de Saint-Joseph, miel toute fleur. Miel litchi. Et puis il y en a aussi un sirop de 5 plantes. C'est ça qu'il fait avec sirop ça. Sirop de 5 plantes. Le sirop de 5 plantes pour compléter le sirop de curcuma quand les gens ont de la grippe. Parce qu'il y a la cannelle, citronnelle, romarin, verveine citronnelle et le cœur de cerise. D'accord. Et il y a quoi? C'est quoi les 5 plantes? Cannelle, voilà, c'est cannelle, voilà. Citronnelle, romarin, verveine et puis cœur de cerise. Voilà. Oui. Allez, à déguster avec modération quand même. Hein, c'est bon pour la bouche. Il y en a sucre dedans. Enfin, la façon de transformer, il faut connaître aussi la quantité de sucre qu'il faut mettre. C'est important, voilà. C'est ça. Très important. Bon, bah, allez, bisous, on vous attend ici sur le marché de Saint-Louis avec Marie-Céline, Yassara, enfin, tous les marchands et les bazardiers de ce marché. Vous attendent ici. Rendez-vous tout à l'heure à 8h30 dans la Coljac. Merci Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. On va parler économie. Eh oui, les compagnies low cost long courrier vont-elles relancer le tourisme outre-mer? Plusieurs d'entre elles en font le pari et lancent des dessertes sur ces destinations. La chronique éco, Tessa Gromagne. L'été prochain, une nouvelle compagnie assurera une liaison Paris-Saint-Denis de la Réunion. French Blue, filiale low-cost d'Air Caraïbes, sera la cinquième compagnie aérienne présente sur cette ligne que se partagent actuellement Air France, Air Austral, Corsair et XL Airways. L'arrivée d'un nouveau concurrent sur ce marché d'environ 600 000 passagers annuels dans les deux sens va certainement changer la donne pour les quatre opérateurs. Marie-Joseph Mallet est le PDG d'Air Austral. Effectivement, c'est une cinquième compagnie sur cette destination-là, c'est beaucoup. Ça va être une capacité additionnelle importante, hein, puisque à ce jour, hein, compte tenu des informations dont nous disposons, on pense que la capacité additionnelle sera de l'ordre entre 15 et 20%. Et ça déplacera évidemment clairement le point d'équilibre pour l'ensemble des compagnies sur la place. La dernière fois que la desserte Paris-Saint-Denis était assurée par 5 compagnies aériennes, cela n'a pas duré et la compagnie réunionnaise Air Bourbon a dû déposer le bilan. C'était il y a 12 ans. Or, la part de touristes en provenance de l'Hexagone diminue d'année en année. Elle ne représente plus que 75% de la clientèle contre 85% il y a 5 ans. Malgré cela, Marc Rocher, le PDG de French Blue, croit à la viabilité de son projet. Il y aura sans doute une restructuration du marché, mais on est dans un monde libéral, que les meilleurs réussissent, quels qu'ils soient. Depuis un an, sur les Antilles françaises, où il y a aussi des concurrents, les prix moyens ont baissé d'environ 9%, ce qui est normal parce que le pétrole a beaucoup baissé. Sur la Réunion et l'océan Indien, ils ont augmenté de 1,5%, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous pensons que nous pouvons à la fois faire baisser les prix et provoquer une croissance du trafic parce qu'il nous faut les deux. Mais l'outre-mer n'attire pas que les compagnies françaises. Depuis 6 mois, la Norwegian offre des vols directs États-Unis-Antilles. Et à partir du mois de novembre, l'allemande Condor va assurer une liaison hebdomadaire Francfort-Fort-de-France. À la grande joie de Karine Mousseau, la présidente du comité martiniquais du tourisme. Nous aurons 6 000 finalement visiteurs en plus sur la saison. Et on va être vraiment dans cette politique d'aller chercher des vols directs un petit peu de partout pour qu'on devienne, je dirais aussi, nous un hub pour pouvoir être aussi un point d'arrivée des Allemands qui pourront aussi aller visiter d'autres îles, la Guadeloupe, pourquoi pas, Sainte-Lucie, la Dominique. C'est très important pour nous. Les compagnies low-cost proposent en moyenne des billets 10% moins chers que les transporteurs historiques. L'avenir dira si cela suffit à motiver de nouveaux passagers à découvrir l'outre-mer. Retrouvez la chronique éco en podcast sur lapremière.fr. Bienvenue, bonjour La Réunion, si vous nous rejoignez à 6h27 où vous soyez, peut-être en ce moment sur la route, bon courage, on fera un point route juste après 6h30, après avec Jean-Claude Machia, journal de Cécile Thomas qui arrive dans pas longtemps. Après, c'est Gaëlle aussi. Cause 6 mois. Chanson, ça t'y chante à l'île. Seguel. Avec Cosimo. Sur Première. Ah, bon matin. Bon, on va rejoindre Jean-Claude qui est sur la plage. Et à la plage, bah. Roche Noire. Ça va, Jean-Claude? Salut, Jean-Claude. Non, pas du tout. Ah bon? Détrompez-vous, je suis aux Roches Noires, mais non, pas à la plage. Donc pas la plage. Il n'y a pas de plage aux Roches Noires. Ah bon, ok, très bien. Alors, sur la route, il se passe quoi sinon? Je tiens que l'agréablement bien ce matin pour l'instant, et c'est vrai que c'est mercredi, donc en espérant que ça va durer. Mais du côté de la route des Tamarins, nous avons toujours nos ralentissements à la sortie du viaduc de Saint-Paul. Pour l'instant, sur la route du littoral, ça se passe plutôt bien. Il en est de même sur l'entrée ouest de Saint-Denis, toujours au niveau de la caserne de Lambert. Pour aller vers le Barachois et dans l'autre sens, en provenance de l'Est. Pas de grosses difficultés, si ce n'est une circulation qui reste encore très dense. Alors soyez prudents, patients et bonne route à vous. Merci Jean-Claude, à tout à l'heure, 6h30 sur la Première. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Le parc national sous toutes les coutures, une étude va être lancée par la région. Objectif, savoir ce qui marche et ce qui pêche dans le fonctionnement et le règlement actuel du parc, avec peut-être en ligne de mire un changement de statut en parc régional. Pour ou contre la carrière des lataniers à la possession, une association a pris position. Elle est contre. Contre aussi la hausse des impôts dans la commune. Elle propose une alternative. Faut-il aller à l'école de 3 ans à 18 ans? C'est une proposition de la ministre de l'Éducation. Qu'en pensez-vous? Priscilla Etef s'est penchée sur le sujet. Et puis des manœuvres militaires à La Réunion, exercice grandeur nature vendredi dernier. On y revient, présentation du magazine Dans les coulisses à retrouver ce soir sur Réunion Première. Quels sont les points forts et les faiblesses du parc national? Les élus de la région ont validé la mise en route d'une étude d'évaluation sur le parc. La région veut utiliser cette étude comme un outil de réflexion à la veille des 10 ans du parc national. Delphine Poudroux. Avec cette étude, la région veut en fait analyser ce qui ne va pas et ce qui pourrait être amélioré dans le parc. Comprendre les blocages qu'il y a eu par exemple pour le projet d'écologie au volcan ou encore pour l'élevage en plein cœur du parc. Patricia Pulaurant est conseillère technique au cabinet de la région Réunion. Par exemple, le président revient souvent sur la situation de la famille Beg, et donc avec un petit élevage, une cinquantaine de vaches, et la présence de bêtes au sein du parc pose des problèmes de nuisance au sens du parc national, donc et des solutions à trouver avec l'éleveur et une situation qui n'avance pas en fait. Du coup, avec cette étude, la région veut s'offrir des pistes de réflexion et surtout des solutions à ce qu'elle considère comme des freins au développement économique. Cette mise à plat, c'est de voir quelles sont les modalités d'évolution de l'outil parc, en fait. Donc, il y aura toujours un outil parc. Est-ce qu'il y a la possibilité d'évoluer au sein du parc national? La question est posée, de toute façon. Est-ce que c'est un parc régional qui répond à la question, et quelles sont les modalités, les conséquences de ce changement de statut? Mais attention, si changement de statut il y a, la décision se fera après une concertation des élus, affirme la région. Delphine Poudroux, cette étude devrait être rendue avant la fin de l'année. À la possession, il ne s'agit pas d'évaluer la situation, quoique Vanessa Miranville veut avoir l'avis de la population sur l'exploitation de la carrière des Lataniers, une carrière pour le chantier de la nouvelle route du littoral. En échange, la région financerait un raccordement routier entre la ville et la Quatre Voies. Si la population se prononce contre l'exploitation de carrière, la maire a prévenu, il faudra augmenter les impôts, à moins qu'une alternative soit possible. C'est ce que croit l'association Latanier Noutkertvie. Avant même la première réunion publique prévue ce soir sur le sujet, l'association critique les trois propositions municipales. Stéphanie Gigan est la présidente de l'association Latanier Noutkertvie. Dans le dossier des carriers, il y a des aberrations. Il prévoit beaucoup, beaucoup de stériles. Donc on se demande si la roche serait vraiment bonne à cet endroit-là. Il prévoit également une voie de liaison après qui passerait donc de la Zacœur de Ville vers l'avenue de Port-Louis à Camp-Magloire, sachant que c'est une voie étroite de quartier et pas du tout une desserte appelée à recevoir des milliers de véhicules par jour. On ne comprend pas ce choix. Et également une aberration juridique parce que au niveau de la convention que la mairie brandit systématiquement la convention mairie-région. Il faut savoir que comment la région a pu demander à la mairie de s'engager sur une carrière alors que le site est interdit d'exploitation de carrière au SAR lui-même. Stéphanie Gigan répond à Hubert Debeu. L'association espère pouvoir présenter son propre projet au possessionnaire ce soir lors de la première réunion publique organisée par la mairie. 12 ans de réclusion criminelle pour Nicolas Espel. Hier aux assises, l'homme a été reconnu coupable du meurtre de son frère en 2014. Après deux jours de procès, son geste reste toutefois inexpliqué. Harcèlement, raquettes, agressions, les langues se délient à l'université après la dénonciation d'un viol lundi après-midi dans une résidence universitaire au Moufia. Les faits se seraient déroulés dans les douches collectives de l'une des résidences du Crous, située à quelques dizaines de mètres seulement des amphithéâtres. Réaction des étudiants, hier ils se sont rassemblés, ils étaient près de 300 à demander plus de sécurité. Une délégation composée d'étudiants et d'élus a été reçue par le président de l'université et par le président du Crous, mais les échanges n'ont pas débouché sur des mesures concrètes. Mais ça choque parce que normalement c'est censé être un lieu de sécurité où on doit être protégé, surtout les filles quand même. Et je sais pas, se faire écrire dans les douches communes. Enfin, la personne a pu rentrer dans le bâtiment sans que personne ne lui dise rien. Normalement ils sont censés vérifier et tout et personne n'était là pour elle. Ça choque. Je vis pas au Crous mais je viens manger au Resto U tous les soirs. Ça m'arrive fréquemment de voir des gens passer à deux doigts de se faire agresser. Je veux dire de voir des gens devoir courber les chines, devoir se plier, devoir limite filer une petite monnaie de temps en temps à des gars parce que sinon ils savent très bien qu'ils vont prendre cher. Je sais que le soir il y a beaucoup de non-résidents qui traînent dans le campus et tout. Il y a déjà eu des caméras et tout qui ont filmé des gens dans les douches. Il y a déjà eu des histoires de suicide et tout, donc on se sent vraiment pas en sécurité. Je vous invite à venir le midi et regarder qui sont réellement étudiants et qui ne le sont pas et qui fait quoi, et vous allez voir que bien sûr on accède à la fac hyper facilement. Des étudiants sous le choc hier au micro d'Olivier de la Richaudie. L'enquête a amené les enquêteurs au domicile d'un suspect. L'homme qui n'est pas étudiant a été interpellé. Les invités de la matinale ce mercredi, Elno Herrier, président de l'UNEF Réunion, et Louni Saïbi, fondateur du syndicat La Réforme. Ils reviendront sur le sujet et répondront aux questions de Philippe Dornier. Rendez-vous dès 7h15. L'école obligatoire de 3 ans à 18 ans, c'est le nouveau débat lancé par Najat Vallaud-Belkacem. Jusqu'à présent, la scolarité n'est obligatoire que de 6 à 16 ans. Alors faut-il la rallonger pour lutter contre le décrochage scolaire? La ministre de l'Éducation y songe. Certains syndicats enseignants revendiquent cette mesure depuis de nombreuses années. Ils attendent dans ce cadre-là de nouvelles créations de postes. Du côté des élèves et des parents, les avis sont partagés. Le reportage de Priscilla Etève. Lauriane a 15 ans et elle compte bien faire de longues études dans l'espoir de décrocher un bon travail plus tard. Alors l'école obligatoire pour tous jusqu'à au moins 18 ans, cette lycéenne est tout à fait pour. Ça pourrait changer certaines choses, selon elle. Puis on enlève le taux de chômage aussi, comme ça l'école permet d'avoir un travail aussi. Et on ne voit pas comme on fait à 6 ans dehors. Il n'a pas vraiment de travail à faire. Il va éviter plein de jeunes traînent dehors et la violence et tout. Didier, père de 3 enfants, lui, n'y croit pas du tout. Il estime que la réussite des jeunes dépend d'abord des parents. Que mes 12, 16, 18, c'est un enfant, il veut apprendre, il va pouvoir toujours apprendre. Si le parent, il veut ses enfants, il va réussir. Si les parents, ils ne suivent pas ses enfants, c'est là qu'il reste comme ça. Et pas toujours facile, en plus, de repérer des enfants en décrochage scolaire, reconnaît Patrick Corré, secrétaire général de la CGTR Éducation. Pour cela, il faudrait alléger le nombre d'élèves par classe. Le porter à 20 dans toutes les classes, et dans les classes d'éducation prioritaire, le porter à 15. Ça pourrait être un élément important qui permettrait de détecter les difficultés des enfants et de lutter contre le décrochage scolaire. À La Réunion, près de 4000 jeunes de plus de 16 ans quittent le système scolaire sans diplôme. Reportage de Priscilla et Thève. 6h38 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. Ils ont un petit côté british, ils ont séduit Maurice et La Réunion. Des bus à Impérial seront bientôt en service sur les routes de l'île. Vous avez pu croiser l'un de ces véhicules en test sur le réseau ces dernières semaines. Test concluant, ils seront prochainement 3 ou 4 sur nos routes. Ils peuvent transporter plus de passagers. Alix Galbois est le vice-président du conseil départemental en charge du transport. Dès ma nomination, j'ai été confronté à quelques problématiques de surcharge sur les lignes, sur certaines lignes de grande fréquentation, notamment aux heures de pointe. La solution actuelle, c'est de pouvoir mettre sur les lignes du littoral, la route des Tamarins et les lignes Est, un car à grande capacité qui nous règle certaines problématiques de surcharge, de transport des usagers en fauteuil roulant, des objets encombrants, planche à voile, vélo, des gros bagages. Donc ce bus est actuellement à Les essais sur route sont très concluants. Il nous reste à régler certains petits outils, on va dire, qui sont dans le cahier des charges du réseau Car Jaune et qui devraient être réglés, je pense, d'ici peu. Alix Galbon, interviewé par Gaël Le Dantec hier à l'occasion des 20 ans des Cars jaunes. On se serait cru dans un film de guerre vendredi dernier à l'étang salé, des commandos parachutistes largués dans une clairière, des échanges de tirs, des hélicoptères et même un navire positionné à quelques encablures de là. Mais c'était un exercice, nom de code Bizerte 2016. 1h30 de manœuvre militaire pour mettre en œuvre les moyens et le savoir-faire des Fazoy, les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Il y avait du public pour assister à ces manœuvres. Il y avait parmi eux Bernard Hay. Il est professeur d'histoire-géographie au lycée François Demailly de Saint-Pierre. Et il est le référent du Trinôme académique, un partenariat entre l'éducation nationale, la défense et l'Institut des hautes études de défense nationale. Le but, c'est de renforcer le lien armée-nation et de faire connaître à la fois le milieu militaire, mais le milieu éducation nationale sur ce type d'action, par exemple, donc sur le terrain, mais aussi d'informations sur les carrières, sur les métiers. Bien comprendre aussi que les métiers évoluent énormément et que pour faciliter parfois l'orientation des jeunes, c'est important d'aller sur place à la rencontre des gens de terrain et qu'ils expliquent eux-mêmes leur métier. Pour ceux qui sont intéressés, bien entendu, nous, notre objectif, nous ne sommes pas des recruteurs. Nous sommes là pour faciliter ce lien armée-nation et l'encourager surtout. Des propos recueillis par Stéphane Henny-Lorac. Et pour en savoir plus sur les moyens et les missions des Fazoy, prévention du terrorisme, lutte contre l'immigration et la pêche illégale, contre les trafics ou encore les missions de coopération régionale, rendez-vous ce soir sur Réunion Première Radio après le journal de 18h. Stéphane Henny-Lorac vous emmène donc dans les coulisses des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Oups, je m'étais perdu un petit peu dans... Mais c'est bon, dans la zone trouvée. Les Fazoy. Il a mis sa tenue, hein, il a mis sa tenue en plus Stéphane, pour... Les Fazoy, oui. Vous avez vu Steven Repeaters en tenue de démineur hier dans le journal télévisé? Non, nous ne l'avons pas vu. Nous l'avons raté. Ça va aller. Vous savez qu'il faut trouver un déguisement pour le premier et le dernier du relais de Saint-Denis, oui, dimanche. On sera là dimanche. Ça, la tenue des mineurs, c'est pas terrible. On courra avec toute l'équipe de Grand Matin dimanche. Donc, bah, venez nous supporter. Venez donner du courage à Isabelle. Sois pas trop ventard. Ouais. On verra. Vas-y, mollo. Oui, merci. Oui. 6h41, bienvenue à tous. On fait un point météo, Michael. 10 degrés, la plaine des Caves, 22 sur la côte nord. À 7h, oui. À 7h, avec du soleil ce matin, malgré quelques nuages retardataires sur l'est, ça va se dégrader par le nord-est. Et une grande moitié est de l'île sera sous les nuages, à l'est d'une ligne Saint-Denis-Saint-Philippe, avec de bonnes averses attendues sur la plaine des Palmistes, Salazie ou encore le volcan. On aura en tout cas des nuages assez menaçants de ce côté-là. Entre les deux, une barre de nuages sur le cirque de Sillaos, Mafate ou encore le tampon, les hauteurs de l'ouest et du sud. Et puis plus on ira sur le littoral ouest et sud, entre le Saint-Gilles et Saint-Pierre, plus on retrouvera là du soleil avec du vent qui va souffler 50-60 km/h sur le nord et le sud, et les températures entre 26 et 28 degrés sur le littoral, 26 à Sainte-Rose sous les nuages, 28 à Saint-Gilles, et puis il fera 22 degrés au tampon. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Jean-Claude Machien, c'est à vous. Plutôt agréable ici du côté de l'Ermitage, sur l'Oeil de Bœuf, Jardin Éden, et sur cette partie route nationale 1A. Alors, beaucoup de monde déjà sur cette nationale, avec un léger ralentissement lorsque vous arrivez à Saint-Paul, et il en est de même sur la chaussée royale, puisque sur la route des Tamarins, nous sommes bien avant le viaduc de Saint-Paul en direction de Saint-Denis. À l'entrée ouest, ça reste encore dégagé. Sur la route du littoral, pas de difficulté particulière pour sortir ou entrer de Saint-Denis. Beaucoup de monde en provenance de l'est, mais ça reste encore roulant. Ça ralentit uniquement au niveau du pont Pasteur vers le Barachois, ainsi qu'en Castel-Léopold-Rambaud. On a déjà une circulation qui reste assez dense. Sachez que le samedi 1er et le dimanche 2 octobre de 8h à 18h, la route nationale 2, la route des Laves, dans le cadre de l'opération Lombard Carré, sera fermé entre le lieu dit la cage au Lion à Sainte-Rose et Citron-Galais à Saint-Philippe. Donc une déviation sera mise en place par la route nationale 3, la route de la plaine des Palmistes, pendant la durée de cette manifestation. Prudence et bonne route à vous. Allez, vous de Réunion Première. Rendez-vous avant 7h. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand Matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. On a déjà dépassé la mi-temps de l'émission dans le Grand Matin, mais on va continuer sur cette lancée la journée. On espère que ça y est, vous êtes lancé pour ce mercredi 28 septembre. De toute façon, on l'est obligé vu l'heure. Hein. On va bosser, il on veut, va veut bosser. Pas, faut aller. Et puis pour ceux qui ne bossent pas, vous êtes vraiment chanceux. Voilà, vous êtes vraiment chanceux, mais vous êtes la et chance. Et c'est un bouc fatigué qui dit azote voilà, ça. Vous avez de la chance d'écouter Première. Enfin, en tout cas, on espère. Donc, avant 7h, on aura l'appel réveil. Oui. On verra ce qui s'est passé après un mois pour notre jeune professeur qu'on avait appelé à la rentrée. Exactement, il faisait sa première rentrée. Comme c'est professeur des écoles, oui. On verra ce qu'il en est, si ça s'est bien passé pour elle, et oui. Si l'expérience, le début de l'expérience est-ce a été bonne. Est-ce qu'elle attend avec impatience les vacances qui vont arriver dans quelques jours pour les petits, les marmailles et tout les ça, professeurs. Tout ça, on le saura à 6h50, juste après les unes de la presse de Cécile Thomas. Et puis, bah, comme toujours à 7h maintenant, rendez-vous du lundi au vendredi avec le Lecce. Elzan Brocal qui s'intéresse aujourd'hui à un joueur de foot qui nous a fait rêver, sauf que le Lecce lui casse un peu le mythe. Bah ouais, c'est comme ça. Cher auditeur, j'ai décidé aujourd'hui de me faire détester de la Réunion entière en abordant un sujet plus sensible que le burkini ou les requins. Aujourd'hui, on va parler de la Dimitri Mania, cet élan d'affection que toute l'île a donné à son fils prodigue du football, Dimitri Payet. C'est vrai que pour être adulé par les Réunionnais, il y a deux moyens. Soit où l'un garçon et où devient un grand sportif, soit où l'a une fille et où devient une miss. Naen l'a besoin plus de neurones que l'autre, mais laisse les autres deviner lesquels. Ou peut être ministre des Outre-mer, toute de mounia en fou, nous préfère Ben Marma y court des yaballons. En soi, c'est pas un problème, mais avec ce brave Dimitri, m'y pense que nous l'a un petit peu exagéré. Il a quand même eu des pseudo-artistes la sorte des chansons de ce Dimitri. Mais n'aurait été Monsieur Payet, mais n'aurait porte plainte, vu la qualité de Ben Morceau. Mais c'est pendant Ben Match que la ferveur l'était un peu trop fort. Mon bon voisin, de Mouni suive pas du tout football en temps normal, l'a surpris à moins. Giroud Témark l'avait point désordre. Griezmann Témark l'avait un petit bruit. Dimitri Témark, zot écrit comme cabri, tellement fort que m'avait dessus moi un envie de sacrifice pour faire ma salée. Et parle pas ben support triste et casse-zot gosier. Dimitri! Tétifi, calme-à-ou, il est dans le télé, là, il est pas en train de toucher à ou non plus, hein. Pas besoin de crier comme s'il y avait trop vous de points sensibles. Et puis, mesdemoiselles, soyons honnêtes, le Marmaille n'aurait pas été footballeur, on n'aurait pas trouvé Ali suffisamment beau pour zote. Toute la journée, il court des oreilles et là, on a trouvé un Saint-Philippois haut de goût, là. Espèce tantine ballon. Oui, il est comme un tantine Larousse, sauf que il aime ben footballeur à la place loto. Quoi, à moins jaloux? Mais non, m'a rien contre Dimitri Payet, moi. Le gars là travaille pour arriver à là, il mérite le succès que Inanna. Mais c'est Demoun qui exagère. Imagine un instant si Dimitri l'avait, en plus de Kin le genou Ronaldo, marque le but de la victoire lors de la finale. Cosa nous aurait fait. Une demande de béatification, nous change le nom de la commune de Saint-Philippe, sa ville d'origine, en Saint-Dimitri, mettre un statut géant sur Barachois. Mais imagine plutôt le ben créopolitain, il porte paillettes, dis aux ben camarades oreilles. Dimitri, oui, nous avons le même nom de famille, oui, c'est un de mes cousins, au 18e degré. C'est connu que tout le monde est famille La Réunion. Après, il faut quand même saluer ce qu'a réalisé Dimitri pour notre société bourbonnaise. C'est vrai, à cette heure, tout le monde en hexagone y connaît qu'il faut dire « paillette » et non pas « paillet ». Et ça, c'est déjà beaucoup par rapport à Manu Payet. Donc, longue vie à Sir Dimitri Payet, digne ambassadeur de l'île de La Réunion, même si nous n'est pas responsable de haut de succès, nous va continuer support à haut. Et promis, prochain coup, nous va dit Baster ou bien Zoro Chang écrit un chanson pour vous. C'est le choix, Master of the Jungle. On salue Dimitri Payet de Lecce. Oui. On retrouve à 16h50 dans le bon tempo. Des coups de claque comme ça, comme chaque jour, du lundi au vendredi. Coup de chabouk. Première. 13h-14h, tous en première avec Ingrid. Tous en première, l'interview de l'invité de la matinale en rediffusion. Un grand sportif sur un piédestal alors que le la chronique écho. Et a développé son programme d'entrepreneuriat. Le zapping de la radio à 13h20 et puis votre rubrique Connect Première. Tous en première avec Ingrid, du lundi au vendredi de 12h45 à 14h sur Réunion Première. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.regionreunion.com. Première. Vous êtes dans Grand Matin, vous y êtes bien, mais alors oui, saisis bouge pas. Jusqu'à 8h, avant l'une de la presse de Cécile Thomas, voici l'artiste interprète de l'année aux Victoires de la Musique 2016. Vianney. Pas là. Je suis une cruche, percée de plus, j'ai la peau craquelée, depuis toi desséchée. Quand vient la lune et le vent frais, te cherche sur le canapé. Dieu qu'elle est loin, la nuit de liesse, où j'ai trouvé ta main, bien avant la tristesse. Tu me traquais, tu m'avais vu, tu m'as pris au collier. Et mon cou, tu l'as tordu. Je t'en dois, si les tiennes sont noires. Non, je ne t'en veux pas. Si va la vie, enfin, surtout la tienne, je m'abrutis à jouer les fontaines. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là. Soyons la ruche, sa ruche, d'un futur en fait. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Mais t'es où? Pas là. Mais si, t'es là. T'es où? Pas là. T'es pas là. Ah ben voilà. T'es où? Pas là. Elle est belle, la variété française. Oh, arrête. Vianney, extrait de son album Idée ben Blanche. Oui, en plus, il est partout en tournée en New York, comme au Real au Canada, et puis après, grande tournée en France. Elle est belle, la variété française. Alors, oui. Bah ouais, je préfère, c'est ce qu'elle disait. Eh ben, tu vois. Ouais, le temps change, hein. Les unes de la presse avec Cécile Thomas. On commence avec le quotidien, la grande colère des étudiants. Insécurité à la cité universitaire du Moufia après la dénonciation lundi d'un viol par une étudiante. Un homme a été interpellé hier. Aux assises, 12 ans de prison pour le meurtre de son frère. À Montgaillard, la dispute familiale vire à l'incendie. Carrière de l'Est, la guerre des multinationales aura bien lieu. 7e salon du livre jeunesse, les pages du bonheur, écrit le quotidien. Et puis, nouveau club cycliste, Saint-Benoît et Saint-Pierre, vent dans le dos, nous dit le journal. Les étudiants en colère également, une du journal de Lille. Oui, après le viol dans une résidence universitaire à Saint-Denis, un suspect a été placé en garde à vue au commissariat, écrit le GIR. Autre titre, carrière de bois blanc, le surprenant feu vert de la agence de santé. À Saint-Denis, un obus de 1870 retrouvé en centre-ville. Et puis en football, les Réunionnais de Paris brillent en Coupe de France. Dans la presse nationale, dur d'être, je vois venir, non, député socialiste, écrit aujourd'hui en France en une. Et la mauvaise image du gouvernement rejaillit aussi sur les élus de terrain qui commencent à craindre pour leur avenir. Autre titre, le retour des 7 mercenaires, sorti cinéma ce mercredi avec ce remake d'un grand classique du cinéma américain. Une sortie qui marque aussi le retour en force du western. Et puis en foot, en Ligue des Champions, Monaco évite le pire, écrit aujourd'hui en France. Le duel Clinton-Trump en une du journal Le Monde. États-Unis, avantage Clinton, titre le journal. Lors du premier des trois débats télévisés face à Donald Trump, la candidate démocrate a fait valoir l'expérience d'une femme engagée en politique depuis plusieurs décennies. Autre titre, affaire Squarcini, le nouveau scandale qui ébranle la police. Et puis l'école française, machine à fabriquer des inégalités, écrit Le Monde. Et puis après Clinton-Trump, un autre face-à-face en une du Figaro. Primaire, Juppé reprend l'avantage sur Sarkozy. Les deux hommes sont effectivement face-à-face en une du journal. En intention de vote, Alain Juppé serait à 39% et Nicolas Sarkozy à 33%. Autre titre, après le débat, Trump touché mais pas coulé. Et puis malgré le CICE, les entreprises restent plus taxées qu'en 2011. Nicolas Sarkozy en une de Libération. L'air soucieux, ses amis, ses affaires, ses emmerdes, en référence à la chanson d'Aznavour. Distancé dans les sondages, Nicolas Sarkozy est rattrapé par une série d'accusations qui plombent sa campagne et son avenir. C'est le seul titre en une de Libé aujourd'hui. Et puis les Monégasques, heureux, en une de L'Équipe ce matin. Un but qui vaut cher, titre le journal en Ligue des Champions hier, c'est du football. Monaco a arraché le match nul face à Leverkusen 1-1. Il était moins une, commente L'Équipe, alors que Lyon n'a pas tenu le choc, battu 1-0 à Séville. C'est toujours de la Ligue des Champions. Et puis, autre info en une, le PSG sous pression, il affronte ce soir Ludo Goretz. Et puis Manon Dou, entre deux eaux, le nageur arrête la natation pour jouer au handball. On lui proposait d'autres sports hein, sur la page Facebook de Radio Première. Le waterpolo semblait tout à fait adapté. Bah oui, piscine, bah non. Entre le ballon. Non. Bah non. Alors ce sera handball. Bah écoutez, pourquoi bon, pas hein. On va bien voir, non pas, ah bah oui. En professionnel ou pas mettre un maillot, par contre. C'est ça. Mettre un t-shirt, je veux dire. On ne sait pas encore s'il sera pro ou pas handball. Ouais. Non, moi j'ai pas cette info. Bon, on verra. On verra ce qu'il en est. Merci Cécile. À tout à l'heure et puis 7h pour l'information avec Florent Marot. Grand matin. L'appel réveil. Eh oui, c'est l'heure, Michael. C'est l'heure de réveiller un réunionnais, une réunionnaise comme tous les matins. Et cette quelqu'une. Fois-ci. Une bah quelqu'une oui, aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est la quelqu'une. Oui. C'est quelqu'une, une professeure qu'on avait eue il y a quelques semaines de cela. Exactement. À voir comment s'est passée cette rentrée. Oui. Coucou Karen. Bonjour Karen. Bonjour. Le réveil, ça va aujourd'hui? Oui, ça va, je suis tombée malade, mais ça va, j'ai toujours la forme. Aïe. Après un mois, c'est toujours un peu plus difficile de se réveiller qu'au début, n'est-ce quand même. Pas hein. Non, ça va, j'arrive toujours à me réveiller correctement encore pour le moment. Mais c'est vrai que là, la fatigue commence à se faire, c'est bientôt les vacances, les élèves sont fatigués, donc on est un peu plus énergique, donc du coup, le soir, on a besoin de dormir quand même. J'imagine bien. Vous avez vraiment, là, au bout d'un mois, besoin de vacances, Karen? Oui, c'est vrai qu'au bout d'un mois, bon, les élèves commencent à être fatigués aussi, donc du coup, ils sont plus agités. Et c'est vrai qu'on a aussi besoin de vacances au bout d'un mois quand même. Hein. Et qu'est-ce qui est dur finalement à gérer, le plus difficile depuis la rentrée pour vous? C'est peut-être tout ce qui dit les préparations de cours. Ouais. On a des visites aussi, donc du coup, il faut préparer, il faut voir les conseils, essayer de les adapter. Et puis, bon, il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent un peu moins bien. Donc, essayer de se remettre en question et voir comment on peut améliorer les choses, quoi. Alors, c'est vrai que ça, c'est un peu plus compliqué. Il y a un mois, l'une de vos inquiétudes, c'était de savoir comment allait se passer ce rapport avec les élèves, d'avoir de l'autorité tout en n'étant pas non plus... une sorcière, comment vous en êtes sortie finalement? C'est la sorcière. Bon, non. Non, je suis pas la sorcière. Franchement, non, je suis pas la sorcière. Mais c'est vrai que bon, il faut quand même un peu recadrer les élèves avec les règles de vie dans la classe. Toujours, on lève le doigt, etc. C'est vrai que les élèves, au début d'année, c'est un peu compliqué, mais bon, petit à petit, ça commence à aller quand même. Hein, ça va un peu mieux. Et puis, il y a une relation de confiance qui s'installe. Donc, après, petit à petit, ça vient. Et comment ça se passe avec les parents, cette fois-ci, de l'autre côté? Bah avec les parents pour le moment ça va. On n'a pas rencontré tous les parents. Bon, il y en a certains qui ne pouvaient pas venir, etc. Mais ça va, la relation s'est bien installée. Et puis on essaye pareil d'avoir une relation de confiance et de travailler avec eux en collaboration pour leurs enfants surtout quoi. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites Karen, ça y est, c'est le bon métier que j'ai choisi? Vraiment. Ah oui, moi j'ai toujours voulu faire ça, donc je suis contente. C'est sûr que c'est difficile les débuts, mais on s'accroche et puis il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein. On est suivi, donc tout va bien. Eh bien, vous voulez comme ça vous faire un petit coucou. Ah bah ça c'est chouette. Histoire prendre de, des nouvelles. De voir un peu comment ça se passait, Karen. On vous souhaite une très bonne année. Continuez merci, comme ça. Et on prendra des nouvelles dans 6 mois, genre. Ouais, allez, pourquoi pas. Ok. Dans 6 mois. D'accord, il n'y a pas de souci. Salut Karen, bonne merci, journée. Merci Karen, bonne journée. On va à l'école aujourd'hui ou pas?

La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Direction Kélonia pour retrouver Jean-Claude Machir. Oui, un chantier qui est en train de se mettre en place, qui devrait commencer d'ici une petite demi-heure. Ce sont les travaux de Chambre Télécom qui vont avoir lieu avec une circulation qui sera alternée. Alors c'est dans la grande descente, là vous avez la possibilité d'effectuer un dépassement. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur. Il sera bien sûr interdit de dépasser et la vitesse est limitée quant à elle à 50 km/h dans ce secteur. Cela se passe à la hauteur de Kélonia sur la route nationale 1 à la plus grande prudence à la hauteur de ce chantier. Côté circulation, ça reste inchangé. Alors pas de zone roulante hein, si vous venez de l'Est et ce depuis la ravine des Chèvres, très compliqué pour aller en direction de Sainte-Marie et de Lamar. Beaucoup de monde aussi sur le pont de la rivière Bétuée et sur le boulevard Sud, dans les deux sens de circulation, un temps de parcours qui s'est rallongé depuis ce matin. Et vous êtes nombreux sur la route du littoral, route des Tamarins depuis le viaduc de Saint-Paul. Beaucoup de monde aussi dans le sud, au niveau du giratoire de la Caféine, une circulation qui reste très dense en direction du pont de la rivière d'abord et du côté de l'hôpital de Terre-Sainte-Lancy. On me signalait un gros ralentissement pour aller vers la Croix-Jubilée. Alors patience dans tous ces ralentissements et bonne route à vous. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. À suivre l'invité, ou plutôt les invités de Grand Matin à 7h15 avec Elno Herrier, président de l'UNEF Réunion, et Loni Saïbil, fondateur du syndicat La Réforme. Au menu, forcément, la mobilisation après le viol d'une étudiante. Rappelez-vous, Anouchka Pépin, gagnante de la saison 1 de Kid Créole sur Réunion Première. Aujourd'hui, découvrez Mon Étoile, son duo inédit avec Pixel. Une incroyable consécration pour la petite réunionnaise. Toi aussi, tu peux vivre ce rêve et enregistrer ton premier single produit par SS Kairon. Tu as entre 8 et 15 ans ? Inscris-toi sur le site kidcreole.re avant le 30 septembre et participe à la saison 2 de Kid Créole, le talent show Made in Réunion Première. Ce vendredi, jackpot Euromillions de 130 millions d'euros minimum. Alors, imaginez, comme tous les week-ends, vous jouez de la musique... Sur un piano à queue blanc. Sur un piano à queue blanc. Accompagné de l'orchestre symphonique que j'ai fait venir chez moi. Puis vous composez... Un opéra intitulé Je kiffe grave. Ah oui. Je kiffe grave. Euromillions My Million, imaginez, 130 millions d'euros minimum à Euromillions. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.régionreunion.com. Et comme chaque jour à 7h16, c'est le retour de Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et ce matin, vous recevez Elno Herrier, président de l'UNEF Réunion, et Loni Saïbi, fondateur du syndicat La Réforme. Elno Herrier, Loni Saïbi, bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes étudiant, élu au conseil académique de l'Université de La Réunion. Et après l'agression sexuelle d'une étudiante lundi soir, vous avez manifesté hier tout simplement. Est-ce que vous êtes satisfait de cette mobilisation, Elno Herrier? Oui, oui, je pense que c'est pas tous les jours qu'on réunit 300 étudiants, voire plus, à la fac. Et donc, je remercie Lounis d'avoir initié ce mouvement. Mais en tout cas, je pense qu'il montre aussi que cet événement, bah, il est d'une importance, il est inacceptable. Et donc, que maintenant, il faut réagir. Et c'est bien le but de cette mobilisation. Et une agression d'une ampleur exceptionnelle par rapport à ce que vous aviez vu ces dernières années. Bah, tout à fait. Il y a toujours eu quelques agressions, des choses comme ça. Là, on parle d'un viol à l'intérieur même des cités universitaires. Donc forcément, en plus d'être marquant, c'est un sentiment qui touche, qui marque les esprits. Et donc, on ne peut que réagir à la fois émotionnellement, mais aussi concrètement dans les actes. Loni Saïbi, vous avez été reçu par le président de l'université, Frédéric Miranville, qui a simplement proposé une nouvelle réunion, mais aucune mesure concrète. Vous pensez quand même avoir été entendu? ayant pu y aller avec le vice-président du syndicat UNEF Réunion, on a pu s'entretenir longuement avec Monsieur Miranville, qui nous a proposé la mise en place d'une série de réformes très prochainement, visant à mettre fin à cette insécurité régnante sur le campus. Nous, on n'en sait pas plus pour l'instant. On sait que Monsieur Miranville doit faire une intervention publique à la faculté devant l'UFR Lettres et Sciences Humaines cet après-midi, de 14h à 16h, en compagnie des élèves pour pouvoir échanger avec eux, ainsi que les professeurs. Nous, on sait qu'il nous a promis de nombreuses réformes, à l'image de la non-libre circulation pour les non-étudiants au sein du campus. Donc, c'est possible, ça ? Je pense qu'avec un peu de volonté et de détermination, oui, tout peut être possible. Vu la gravité du Deployable Act s'étant produit récemment sur le campus, je pense que M. Miranville n'hésitera pas à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la sécurité régnante. Alors, on verra cet après-midi s'il y a autant de monde qu'hier. Hier, c'était donc 300 étudiants rassemblés devant les résidences universitaires. Et le directeur du CROUS vous dit, on l'a entendu dans le journal de 7h, il faut arrêter de bloquer les portes avec des parpaings. Si elles sont fermées, on ne peut les ouvrir qu'avec une clé. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument, Elnoirier? Je pense bien entendu qu'il est maladroit parce qu'il n'y a pas que ça qui entraîne des agressions ou des viols. Bien entendu, il y a une responsabilité des étudiants à devoir fermer les portes, à devoir vivre en bonne et due forme avec leurs camarades étudiants. Maintenant, lorsqu'il y a un viol, lorsqu'il y a des agressions, on ne peut pas dire que ce soit la seule raison. Et bien entendu, je pense que tout le monde doit maintenant agir, tout le monde doit maintenant prendre des mesures. Sur la sécurité, par exemple, c'est augmenter les moyens humains. S'il y avait, par exemple, eu un personnel dans chaque loge de chaque cité universitaire, peut-être que ce genre de choses pourraient être évitées, que ce soit même lorsque les portes sont fermées, celui qui est dans la loge peut la fermer, alerter les autorités. Bref, je pense que là, tout le monde doit se remettre en question, en particulier les administrations qui, elles, ont les moyens de faire changer les choses. En tout cas, cette histoire de portes bloquées avec des galets, ça a pas plu du tout aux étudiants qui manifestaient, pas plus que quand le directeur du CROUS a dit qu'il est là pour accompagner les familles, des familles qui confient leur enfant à son institution. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Le directeur vous dit, oui, les parents m'ont coiffé les enfants, je fais attention. À quel résultat pareil, comment aujourd'hui on peut se permettre de dire, je surveille les étudiants? C'est pas normal. Sa solution à lui, c'est quoi? On se débrouillera pour que le portail reste fermé. Bravo, on va aller loin comme ça. Cette université, c'est une vraie passoire. On en a marre, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a un restaurant universitaire ouvert le soir au CROUS. On ne peut pas y aller parce qu'il faut traverser le CROUS et qu'on risque clairement de se faire agresser. C'est-à-dire, on sort de cours, même sur le campus même, on sort de cours à 19h. On flippe, on a notre PC, on se dit putain, ça se trouve, il y a un mec qui va passer, qui va essayer de me tirer mon PC. Est-ce que vous aussi, Lounis Saïbi, vous constatez une aggravation de la situation sur le campus comme ces étudiants qu'a rencontré hier Olivier de la Richaudie ? Une aggravation, certes, mais je veux dire que c'est pas tout nouveau. Les mesures auraient dû être prises depuis il y a déjà bien longtemps. Toutes ces histoires d'agression, de rap, de vol, ça remonte à plus d'un an maintenant. On a eu des exemples de voyeurisme dans les cités étudiantes, sous les douches. On a eu des exemples d'agressions à main armée. On a eu l'élève, il y a quelques mois, l'année dernière, qui s'est fait perforer les tympans pour une cigarette non donnée. Donc je pense que là, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est ça qui a permis aussi un large rassemblement étudiant hier, comme vous avez pu le constater, avec plus de 300 étudiants réunis. Et ce phénomène de violence, il touche uniquement le site du Moufia ou aussi le Sud ? Majoritairement, moi j'ai eu que des retours sur le Nord, le Sud étant un campus plutôt calme, je dirais que ça s'étend majoritairement au Nord. Les agressions, Elnoirier, sont commises essentiellement par des personnes extérieures à l'université, des gens qui n'ont pas de chambre dans les résidences ? Essentiellement, oui. Alors, on n'est jamais à l'abri que parfois ce soit entre étudiants, mais bien entendu, de tous les cas qui sont à la fois relatés, médiatisés, etc., à chaque fois, c'est bien entendu des gens extérieurs à l'université et au CROUS, parce qu'on peut ne pas être de l'université et logé au CROUS dans des BTS, etc. Mais en l'occurrence, à chaque fois, oui, ça concerne des non-étudiants. Et l'étudiante qui a été agressée, ça s'est passé dans une douche de sa CTU, des douches communes auxquelles on accède avec la même clé que celle de la résidence, si j'ai bien compris. Il y a quelque chose à revoir à ce niveau-là, non ? Alors, je ne crois pas qu'il y ait besoin de clé pour accéder aux douches communes, en l'occurrence. Donc, c'est encore plus facile pour y accéder. Mais surtout, par exemple, on sait que l'agresseur était quelqu'un de plutôt connu par les étudiants parce qu'il il traînait très souvent par là. Il allait parfois même dans des amphithéâtres pour repérer un peu les personnes. Donc, en l'occurrence, c'est vraiment cette libre circulation et finalement cette non-réactivité des services qui, là, je pense, a pu faire défaut. Alors, si on ferme, ça peut être une solution, de la tentation de fermer le campus, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de bunkeriser les lieux, Denis Saïbini, de bunkeriser les lieux, non. Ce serait un peu liberticide aussi. Est-ce que les étudiants seraient prêts à l'accepter, ça? Totalement. Je pense que ça rassurerait les étudiants qui est une non libre circulation. Je veux dire, à l'heure actuelle, au sein de notre campus, comme Monsieur Herrier pourra le confirmer, on y rentre et on en sort comme on veut. Nous, on a entendu des histoires même de deals au niveau des cités, des résidences étudiantes. On en parle effectivement de trafic de Zamal, trafic de drogue. C'est ça, trafic de drogue. J'ai même entendu, bon après c'est que des oui-dire, mais j'ai entendu parler de trafic d'armes également. Donc je veux dire que voilà, le climat aujourd'hui est propice à, non seulement à une insécurité, mais les étudiants n'ont même plus cette envie, ne sont même plus sereins d'aller étudier au sein du campus. Il y a des vigiles sur les campus, El Nouerrier. Est-ce qu'ils sont assez nombreux? C'est quoi le problème? Je pense que ce n'est pas un problème de compétence, puisque les vigiles, pour les côtoyer assez souvent, sont quand même assez efficaces. Mais je pense qu'en effet, il y a un problème de nombre. Il y a un problème peut-être aussi de faille dans, comment dire, les barrières qu'il peut y avoir à l'université. Enfin, il y a des endroits qui sont un peu partout dans la fac où il est très facile finalement de sauter dessus, de passer outre les barrières. Donc je pense qu'il y a aussi ces failles-là dans la sécurité, qu'ils ont besoin de beaucoup plus de personnel, parce que enfin, lorsque le soir ils sont deux et que bah, pour intervenir on ne doit pas intervenir tout seul quoi. Il faut être au moins deux, que le temps que le collègue appelle l'autre, etc. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un problème de nombre, de concertation aussi. Je sais que les rapprochements commencent à se faire depuis quelques mois entre le Crous et l'université, mais là, et c'est le but des réunions qu'on demande très rapidement entre l'université, le Crous et les étudiants pour parler de ces problèmes-là et avoir des mesures concrètes. Je pense qu'on ne peut pas différencier le campus universitaire et les CTU parce que bah, finalement les étudiants vont sur ces deux mondes et ont besoin de sécurité sur les deux, et donc la concertation doit se faire. Parce que beaucoup de jeunes, effectivement, avaient l'impression hier que les deux entités se renvoient la balle de la responsabilité entre Crous et université. Est-ce que c'est le cas vraiment, Denis Saïbi? Moi, je dirais que non, parce que la juridiction de M. Frédéric Mirenville s'arrête au début de la passerelle Crous. Donc, ce qui se passe au Crous ne le concerne pas directement. Certes, le Crous figure au sein du campus, mais l'administration Crous, c'est à elle d'assumer les responsabilités de ce qui s'est passé récemment. Donc, moi, je trouve en tant qu'étudiant que c'est déjà bien que M. Mirenville ait daigné s'exprimer sur la chose et aille à la rencontre des étudiants cet après-midi pour échanger avec eux. Mais c'est surtout au Crous d'en assumer les responsabilités. Alors il y a des étudiants qui proposent de s'organiser pour mener des rondes et même intervenir en cas de problème. Vous n'avez pas peur que ça dérape un jour? Ouais, on va dire que les étudiants, sous le coup de la colère et de la précipitation, vont parfois mal agir. Moi, Monsieur Mirenville a dit que parmi les réformes, il allait mettre en place une multiplication des agents de sécurité au sein du campus. Je trouve que c'est déjà plus mature comme décision et plus réfléchi. Quel message pour ces jeunes, El Nouerrier, ces jeunes prêts à monter leur propre milice, visiblement? Bien entendu, je peux comprendre cette réaction et je peux comprendre le fait que, il y a un besoin de s'organiser et tout. Maintenant, comme vous le disiez, il y a peut-être, de ma part en tout cas, une peur de dérapage, puisque finalement, ce sont des étudiants, ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour étudier, et donc pas pour organiser des milices ou se défendre seul. C'est ça le but et la mission des administrations, du Crous et de l'université. Donc moi je pense que je peux comprendre cette réaction, mais je pense que notre rôle en tant qu'étudiant, c'est d'exiger ce qui est notre dû, c'est-à-dire plus de sécurité de la part des administrations et donc plus de moyens, plus de logistique aussi, j'en ai pas trop parlé, mais par exemple rien que de mettre la lumière le soir au Crous et à l'université dans des coins qui sont tout le temps non éclairés, ce serait un début, de peut-être changer les portes, le système d'ouverture des portes. Enfin, tout ça c'est des mesures concrètes qui, je pense, ne coûtent pas si cher que ça et qui pourraient pourtant améliorer la sécurité au Crous et à l'université. Un dossier que Réunion Première suit de très près évidemment. Merci El Nehérié et Loni Saïbi d'être venus nous parler ce matin de ce sujet. Merci Philippe Dornier. Si vous avez raté l'interview, vous la retrouverez à 13h30. El Nehérié, président de l'UNEF Réunion, et Loni Saïbi, fondateur du syndicat La Réforme. Allez, bonne journée. Dans Grand Matin, on est reparti pour une demi-heure. Eh oui, dans un instant, l'information routière avec Jean-Claude Machy. Ensuite, le journal, Cécile Thomas. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. Amir qui a donc fini sixième de l'Eurovision lors de la dernière cérémonie, c'était J'ai cherché. C'est où? Pas là? Pas là. J'ai cherché. Allez. Jean-Claude Machir, vous êtes à Saint-Leu. Oui, toujours du côté de Saint-Leu, avec ces ralentissements assez conséquents maintenant sur la route des Tamarins en direction de Saint-Denis. Vous êtes bien avant le viaduc de Saint-Paul. Les rampes de Plateau Caillou sont remplies de moitié pour descendre du côté de la chaussée royale, giratoire Sabiani et giratoire Savannah. C'est là où on a encore quelques petits ralentissements pour rejoindre cette nationale en direction du port. Beaucoup de monde à l'entrée ouest. Nous sommes toujours à la pointe du gouffre sur la route du littoral. Et ça se rallonge avec des dents du côté de la Grande Chaloupe de temps en temps. Mais un temps de parcours beaucoup plus long ce matin, malgré que nous sommes mercredi, pour la direction de Saint-Denis. Et dans l'est, ça reste toujours inchangé. Nous sommes à la ravine des Chèvres. Sainte-Marie, Beau Séjour, circulation qui reste très dense aussi dans le quartier de la zone d'activité de la Marne. Et vous êtes tout aussi nombreux au niveau de Gillot ainsi que sur le boulevard sud pour rejoindre Saint-Denis. Beaucoup de patience ce matin sur la capitale. Patience et bonne route à vous. Rendez-vous dans 10 minutes, 7h30 sur la première. Le journal est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. La carrière des Lataniers sera-t-elle exploitée à la possession? La maire demande l'avis de la population avec une première réunion d'information ce soir sur les projets en cours. Une association fera aussi ses propositions. Nous les entendrons dans un instant. Le parc national sous toutes les coutures. Une étude va être lancée par la région. Objectif, savoir ce qui marche et ce qui pêche dans le fonctionnement et le règlement du parc national, avec peut-être en ligne de mire un changement de statut en parc régional. Plus de sécurité sur le campus, c'est ce que demandent les étudiants après une agression sexuelle lundi au Moufia. L'organisation de cette sécurité pose problème. Et puis les cars jaunes fêtent leurs 20 ans, un anniversaire qui marque aussi l'entrée dans l'ère numérique. Reportage à la fin de ce journal.

Des propos recueillis par Olivier de la Richaudie. Hier, l'enquête a mené les enquêteurs au domicile d'un suspect. L'homme qui n'est pas étudiant a été interpellé. 7h37 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. Dans la zone, Erika Barrett est attendue de pied ferme à Mayotte. Les syndicats de la fonction publique appellent à une mobilisation massive dès aujourd'hui. Une mobilisation qui pourrait durer 3 jours. L'objectif est de sensibiliser l'État aux difficultés qu'il rencontre. Il souhaite que le code du travail soit pleinement appliqué et que les carrières des agents soient reconsidérées pour leur permettre d'obtenir de meilleures retraites. Salim Naouda, secrétaire général CGT-MA, la CGT à Mayotte. Il faut qu'il y ait une forte mobilisation sur l'appel de l'intersyndicale de ce mercredi 28, qui continuera le 29 pour accueillir la ministre, et le 30, parce que nous savons au combien il y a des difficultés dans ce département. Quand on parle de difficultés, on sait la situation des agents qui sont dans la fonction publique intégrée, auxquels il faut reconnaître la totalité de leur carrière, mais aussi pour leur permettre une retraite digne. En même temps, côté privé, les salariés ne sont pas non plus mieux lotis. Ils sont les pires dans la situation. Donc, il faut aussi cette mobilisation pour le code du travail et les conventions collectives. Il ne faut pas que le MEDEF construise en permanence un statut de précarité pour ses salariés et laisser faire. Salim Naouda, secrétaire général CGT à Mayotte, interrogé par nos confrères de Mayotte Première. Il attend donc de pied ferme la ministre des Outre-mer. Et puis dans la zone océan Indien, toujours, James Michel souhaite renoncer à la présidence de la République des Seychelles. Après 12 ans passés au pouvoir, il laisse son poste à son vice-président Danny Faure. Dans un communiqué adressé à la population, il explique qu'il a mis au point, il a mis un point d'honneur, pardon, à travailler sur la modification de la constitution des Seychelles pour limiter la présidence à 2 mandats de 5 ans. Il a aussi déclaré qu'il était temps pour le pays d'avoir un nouveau leader. James Michel devrait céder sa place le 16 octobre prochain. 20 ans sur les routes de la Réunion, les cars jaunes fêtent leur anniversaire et pour l'occasion, ils se mettent au goût du jour avec des cadeaux pour les usagers, notamment modernisant les services à bord, services connectés, vous allez l'entendre. L'idée est aussi de séduire plus de Réunionnais et de favoriser à grande échelle le transport en commun pour sortir des embouteillages monstres que l'on connaît, notamment le matin, Aurélie Constant. Écran d'information, prise USB ou encore Wi-Fi, le mot d'ordre de car jaune, la modernité. Avec plus de 7000 téléchargements de l'application, le réseau de transport se met au 2.0. Une application qui permet à l'usager de construire son déplacement, de choisir son mode de déplacement. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter, un site internet, la Wi-Fi dans les bus, 12 000 connexions par mois. Donc vous voyez que c'est un réseau vivant et c'est un réseau que nous voulons de plus en plus confortable et de plus en plus performant. Chaque année, ce sont plus de 5 millions de voyages qui sont effectués par les cars jaunes. 139 arrêts existent actuellement, mais seul 5% du territoire n'est couvert par le réseau. Pour Pierre Vergès, ancien vice-président, il reste encore beaucoup de travail. Il y a encore à faire, beaucoup. On a diminué le temps de trajet, on a augmenté la fréquentation, selon les chiffres donnés par le groupement. Il n'en demeure pas moins qu'on nous sera à un moment donné au point de rupture. Car difficile d'envisager un réseau ponctuel avec les nombreux embouteillages si une voie n'est pas consacrée au bus. Cela inciterait peut-être un peu plus les Réunionnais à tenter l'expérience car jaune. C'était un reportage d'Aurélie Constant avec Gaëlle Le Dantec. Merci Cécile Thomas. À demain. On se donne rendez-vous demain. Et toujours, échauffement pour enfin. Dimanche. Dimanche, on fait le relais de Saint-Denis avec toute l'équipe de Grand Matin. Oh, je dis rien. Ah si. Je dis rien. Ah si. Il est 7h40 sur la première. L'élément encore marquant aujourd'hui, c'est le vent, Michael. Oui, il se fera sur la plaine des Cafres, le nord et le sud, avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km/h, mais pas que. Après les éclaircies matinales, la pluie va s'inviter sur la moitié est entre Saint-Denis et Saint-Philippe. Une dégradation arrive en passant par les plaines de l'Est et le volcan. Et puis plus on ira vers l'ouest et le sud-ouest, plus on trouvera de soleil, surtout sur la bande littorale de Saint-Gilles à Saint-Pierre. 22 au port et 15 au tampon ce matin, jusqu'à 28 sur les plages cet après-midi, donc température en hausse. Et on attend même une première arrivée de l'été la semaine prochaine, alors qu'on était encore en hiver la semaine dernière, avec les 30 degrés atteints, voire dépassés dans l'ouest d'ici à mardi prochain. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Jean-Claude, vous êtes sur la route des Colimaçons. Oui, route des collimaçons, soleil agréable, circulation plutôt fluide en quittant Saint-Leu pour monter jusqu'ici. Alors les travaux, ça y est, sont en place. Hein. Bon, ils se sont mis un petit peu en avance, une petite demi-heure plutôt. Mais en tout cas, ça ne gêne en rien la circulation, puisque vous n'êtes pas nombreux du côté de Saint-Leu. Par contre, ce n'est pas le cas si vous êtes à Grandson pour aller en direction de Saint-Paul, ainsi que sur la route des Tamarins. La circulation est très dense, bien avant le viaduc de Saint-Paul en direction du port. Beaucoup de monde aussi sur la route du littoral, puisque nous sommes toujours à la pointe de Gourtre et ça se densifie. Et puis sur le boulevard Sud, en Vincennes, circulation qui est elle aussi très très dense dans ce secteur. Boulevard Sud rempli, ça y est, dans les deux sens de circulation. Temps de parcours qui se rallonge en provenance de l'Est, puisque vous êtes maintenant bien avant la ravine des Chèvres. Et puis entre le giratoire de la Plaine et de Bracanote, le ralentissement se situe beaucoup plus à la fin de la deux fois de Beaulieu pour l'André du giratoire de la Plaine. Alors soyez patients dans ces différents ralentissements et bonne route à vous. À tout à l'heure, Jean-Claude. Les animaux aiment grand matin, visiblement. Ah bon ? Les chiens, les coqs. Tant mieux. Inforoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Voilà, je t'avais raison. Les animaux, et toujours matin. Là. Et depuis ce matin, 5h45, ils chantent même. C'est ça, c'est ça. Et c'est pas. Hein. 986 j'aime sur la page Facebook. Ça veut dire qu'on est vraiment pas loin du millier. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire là maintenant? Si vous êtes dans la voiture, vous êtes à la maison, à la case ou nulle part ailleurs. Ou ailleurs plutôt, parce que nulle part ailleurs ça le fait pas. Vous atteignez le millier avec nous, comment on fait? Bien, on like la page Grand Matin. La page Grand Matin, on envoie un petit message par la même occasion. Voilà, et si vous likez la page Grand Matin, on envoie un petit message parce qu'on est ravis d'être en famille le matin. Ouais. Vous likez aussi, pourquoi pas par SMS, vous envoyez un j'aime Grand Matin par SMS. Et voilà, puis, un petit message. Vous dites ce que vous faites. Voilà, et ça vous permet de repartir avec des cadeaux, des places de ciné et surtout de participer vendredi avant 8h au grand tirage au sort à la clé Michael. Oh, une nuit d'hôtel pour deux dans un 4 étoiles à Sillaos. Voilà, rien que ça, t'imagines. Un week-end à Sillaos pour un j'aime. Hein, oh là on là. Peut faire un effort quand même. Bah oui. Hein, enfin, si vous aimez vraiment, si vous aimez pas, là. Vous venez pas. Hein. Ah là, ça envoie bon. Là. Hein. Alors, ça envoie, c'est bon. Et ben on continue comme ça. On continue comme ça avant 8h, le zapping de Réunion Première pour voir tout ce qui s'est passé de pire sur notre radio. Oui, c'est vraiment le pire là, tu as raison de dire. Ouais, Emmanuel Ivara, moment doux. Mon cœur et sans tracas, senti ma décider, retrouve-toi mon amour et profite, bien que nous détruisons. Allons aller un petit câlin sucré, ou caresse doux les super endiablés, un petit causer tous les si bien sacrés. Le mot il reste dans mon pensée. Moi, m'y aime ou te regard, amoureux pour moi, pour moi. Moi, m'y aime ou te sourire, pour adieu, pour moi, pour moi. Moi, m'y aime ou te manière, affectueux pour moi, pour moi. Moi, m'y aime tout ça, m'y aime. Même si le vrai nous fait que redouter, notre relation lui dit pour avancer. Les mots y restent. radieux pour moi, pour moi. Moi, m'y aime ou de manière affectueux pour moi, pour moi. Moi, m'y aime tout ça, m'y aime. Et bon début de journée ensoleillée, La Réunion, avec Emmanuel Ivara. Moment doux. Sur Première. Oh, oui, c'est doux. Ça se passe dans Grand Matin. Dans un instant, on vous parlera de la fusion entre Facebook et WhatsApp. Oui, exactement. Facebook, vous utilisez, bah, WhatsApp peut-être aussi. Ouais. Eh bien, les deux fusionnent. Voilà. Ouais. Et Pascal Rizzo. Et là, c'est dans un petit instant. Juste après ça. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles, plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Ce vendredi, jackpot Euromillions de 130 millions d'euros minimum. Alors, imaginez. FDJ. À partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.régionreunion.com. Première. Et à 7h48, on va sur le World Wide Web. Alors, on parlait de Facebook et WhatsApp qui fusionnent, mais pas partout. Hein. Chez les Dutch, par exemple, en Allemagne, eh bien, ils le font pas. Mais pourquoi, Pascal Rizzo ? Connect Première. Bonjour. On parlait il y a quelques semaines de la décision de Facebook de récupérer les infos et les données des utilisateurs de sa filiale WhatsApp, notamment le numéro de téléphone, obligatoire pour ouvrir un compte WhatsApp. En croisant toutes ces données, il était alors possible de mieux identifier les utilisateurs Facebook pour leur bien, c'est-à-dire pour leur proposer des publicités mieux ciblées, etc. et blablabla. Eh bien non, voire même nein, a dit l'Allemagne. Le BFDI ordonne à Facebook de supprimer les données des 35 millions d'utilisateurs allemands récupérés chez WhatsApp et d'arrêter immédiatement la collecte. Alors, le BFDI, c'est l'équivalent là-bas de notre CNIL. Et ce bureau estime que cette pratique est une tromperie des utilisateurs. Et c'est le cas d'ailleurs, hein, puisque WhatsApp avait promis, juré, craché de ne jamais le faire. Plus juridiquement, Facebook et WhatsApp violent la législation allemande sur la protection des données puisqu'ils n'ont pas reçu d'autorisation pour échanger ces fameuses données. Un autre problème juridique a aussi été relevé. Facebook puisait dans le carnet d'adresses de WhatsApp des adresses de personnes qui n'ont rien demandé et qui n'ont donc pas donné leur consentement pour se retrouver sur une base de données Facebook. Facebook qui vient d'indiquer qu'il suivrait la réglementation européenne et qu'il était prêt à coopérer. Et puis direction la Corée, où l'équivalent cette fois de l'Agence Nationale des Fréquences a mesuré les radiations électromagnétiques des smartphones pour révéler que le dernier iPhone 7 d'Apple émet deux fois plus d'ondes que le dernier Galaxy S7 du fabricant local Samsung. Alors la norme qui mesure ça, c'est le DAS, ça veut dire débit d'absorption spécifique, qui selon certaines études aurait des conséquences sur les tissus humains. Sans doute la raison pour laquelle le DAS de tout appareil est limité à 2 dans le monde. Mais aux États-Unis et en Corée, le taux maxi d'un appareil est de 1,6. Nous parlons de watts par kilo. Eh bien, l'iPhone 7 monte à 1,38, là où le Galaxy S7 est à 0,62. Alors pour protéger votre tête de ce rayonnement électromagnétique, au lieu de porter l'iPhone directement à votre oreille, branchez donc plutôt un micro-écouteur dans la prise mini jack de... Ah bah non, c'est trop bête, ils viennent de la supprimer. Oh bah c'est pas de chance ça. Belle journée. Eh oui, Pascal Rizzo, tout est fait pour le business, c'est l'argent, l'argent, l'argent, l'argent, et certains aiment beaucoup l'argent. Ouais. Comme Danny Boone dans Radin. Tu m'étonnes. Combien j'ai sur mon compte déjà ? 248 596 euros. Faut que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies ? Je peux faire mieux. Vous avez raté votre bus ? Avec ce qu'on paye en impôts locaux, je le prendrai quand ce sera gratuit. Yeah, yeah, yeah. vous dirait d'aller boire un verre? Oui. Tu m'as invité à dîner? Non. Ben quoi? Pas rien, mais oublie pas ta carte bleue, hein. Radin, c'est le film qu'on vous envoie voir dans les salles obscures, à condition ce matin d'avoir envoyé votre message au 72 000 ou d'avoir fait un petit like sur la page Facebook. Bon. Sachant que cerise sur le gâteau, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont envoyé des messages sur Facebook, des SMS depuis lundi, tout ça, on ramasse tout. Enfin, on vous ramasse, c'est une façon de parler. Hein. On ramasse vos noms. Mais sur des papiers. On met dans une boîte. Voilà. Et dans cette boîte, peut-être... le gagnant ou la gagnante. Sûrement même. Ah bah oui, c'est sûr. C'est obligé même. Mais peut-être ça sera vous. Peut-être. Le gagnant ou la gagnante pour aller en week-end à Sillaos. Oui, dans une 4 étoiles. Au Tila Otsa avec destination Sud Réunion. Ce matin, on va choisir déjà une gagnante. Oui. Juste comme ça à la volée. On va regarder, puis on va où d'ailleurs. Je sais pas où on va. Allez, on va quelque part dans l'île. Je sais pas. On va accueillir. Quelqu'un qui a envoyé son message ce matin, c'est sûr. On accueille ou on n'accueille pas d'ailleurs, parce que peut-être que ça répond pas. Si ça répond pas, on va dire bravo, en tout cas, d'office, à Nadine. Oui, Nadine qui repart avec ses places de cinéma pour aller voir Danny Boone. Ça même, Radin. Deux invitations qui sont valables et bien dans toutes les salles du réseau Moréfilm, Multiplex, Ciné Corbeil de Saint-Paul, La Casa Sani, Plaza de Saint-Loup. Bon, on lui fait un petit coucou quand même, elle parce est qu'elle est là. Bah, elle est là. Coucou Nadine. Bisous, Nadine. Bonjour à vous. Bon, et bien ça y est, c'est gagné pour vous. Deux places invitations de cinéma. De ciné. Ah, c'est super, merci beaucoup. Voilà Nadine, vous faites quoi dans la vie ? Et on vous dérange là ? J'allais juste prendre ma voiture pour partir. Bon, et ben parfait. Au travail, je suis dans la comptabilité. Très bien. Parfait. Vous pouvez y aller maintenant avec deux places de cinéma. Allez. On vous fait un gros bisou, Nadine. D'accord, merci beaucoup. Bisous. Salut Nadine. Et bisous à toi, à tous. Et oui. Ne change pas ton rire, Isabelle. Oh, bah, de toute façon, il ne gagne pas, ma chérie. Il ne gagne pas. Hein, de toute façon. Allez, bisous. Salut Nadine. Bisous. Bye. Allez, bye. Bon, c'est le moment de zapper. Oui, c'est l'heure du zapping. Parfois, on pense à quelque chose, on essaye de dire quelque chose, on essaye, mais ça ne veut pas ôter, ça ne veut pas sortir comme qu'il faut. Ça arrive, c'est le zapping. Pour la France, pour la dignité. D'accord. Fan page, et puis vous repartez peut-être que vous... Oh là là là. Tout a bégué. Big up. Bégué. La paix. Quand on perd une plante toutes les secondes, quand on perd un animal toutes les minutes, je pense qu'il est... Arrête avec la politique ! L'enquête ! Bon, Marron et Jolie Barry White, pour alors ? Allez, moi, t'es mon chef, mais dis-donc, ici. Ah, on connaît, mais ma profil. Oh là là, comment ? Deux techniciens qui encadrent l'équipe. Arrête. Des Gigi, il y en a toutes les couleurs, ogé. Mais non, il est pas nu, il est habillé de rouge. Parce que c'est arrivé à Sadlari, pas tout le monde fait comme un gars de monde à Sadlala. On en a des formes, mais le Zizi, pas dehors. D'accord ? Quand on arrive en France, on arrive pas à tout dans n'importe quel pays. Quand il y a monté au l'hôtel Mouné, commande le zizi, pisse, c'est de l'eau, c'est une fontaine ou quoi que ce soit. Des gens disent pas rien. Voilà, vous savez tout. Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau. Et avec le premier ralentissement pour vous qui provenez de l'ouest au niveau de la Grande Chaloupe, ça s'est légèrement amélioré. Si vous êtes sur cette route du littoral, beaucoup de monde... Joyeux Noël. Pardon ? Bonne année 2013, bon nouveau 2014. Hein. Et je suis en train de bosser là. Bonne année, mon bon requin. Ah, excellent. Excellent, aïe, comme aïe, chaque matin le zapping. Il faut pas le rater celui-là. Jacques, il arrive entre 8h et 10h. Pour les chauds patates. Bonjour, salut, bonjour La Réunion. Comment ça va bien? On est bien réveillé. Oui, ça va bien. J'ai accueilli l'invité qui vient d'arriver. C'est Thomas Bernigo. Il va nous parler de ses spécialités. De quoi ? Dont les mousses. En fait, il fait un tas de choses. Hein. Il est originaire de Bourgogne. Ouais. On mange bien, on mange très bien même là-bas. Et ce matin, on va parler des mousses en pâtisserie, aux fruits rouges, au chocolat, à la vanille, plein de parfums délicieux. Et puis voilà, si vous voulez la recette d'une mousse, va falloir nous appeler. Et ben voilà, 99 ça sera dans 2000, un instant avec Jackie. Salut La Réunion, à demain. Got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop. Comment? Ouais, oui, voilà, c'est ça. Alors... Justin Timberlake, merci d'avoir été avec nous ce matin. Et à demain. On va faire mieux. Hein, ah oui, on va essayer. Allez. Jean-Claude, vous êtes sur la route des Tamarins, au niveau des colimaçons. Oui, pas très loin du parking de covoiturage qui se remplit. Eh bien, chaque jour davantage, eh bien, un parking bien efficace, en tout cas, cela vous évite ces ralentissements que l'on connaît du côté du viaduc de Saint-Paul pour aller en direction de Saint-Denis. Nous sommes toujours à la pointe du gouffre, malgré le fait que nous soyons mercredi. Et l'embouteillage s'est aussi densifié si vous êtes du côté de Saint-Denis. Alors, en direction de Saint-Marie, depuis le pont Pasteur, Lancastel, Léopold, Rambaud, circulation très dense, elle aussi, sur le front de mer, en prenant en direction du Barachois, avec un gros ralentissement au niveau du pont Pasteur. Et dans l'Est, ça s'est amélioré du côté de Beaulieu, Giratoire de la Plaine, les Bracanotes. Et même en centre-ville de Saint-Benoît, la circulation s'effectue plus rapidement. Beaucoup de monde, par contre, dans le sud, Giratoire de la Caffrine, Pont de la Rivière d'abord, et à la hauteur des Balances. Et une circulation un peu ralentie dans la zone industrielle numéro 2, depuis la Ravine Blanche. Patience et bonne route à vous. Jean-Claude Machir pour l'information routière. Il revient dans 15 minutes, il est 8h. Le journal est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Il fête ses 20 ans, le car jaune se modernise, il propose désormais le Wi-Fi et des prises USB. Le réseau car jaune, ce sont 139 arrêts, 170 conducteurs et plus de 7 millions de kilomètres parcourus chaque année. L'étude sur le parc national a été validée hier par la région. Officiellement, c'est un état des lieux à la veille des 10 ans de la structure. L'opposition, elle, craint toujours un déclassement. Il aurait une vingtaine d'années, un jeune homme a été arrêté suite au viol d'une étudiante dans une résidence de la cité universitaire. Hier, 300 étudiants ont manifesté pour réclamer plus de sécurité. Un nouveau rassemblement est prévu à 14h cet après-midi sur le campus. Et puis, désarmer le grand cantique, cette pièce de théâtre en créole et en français programmée ce soir à Espace Saint-Paul. On en parle à la fin de cette édition. Il permet de se déplacer dans toute l'île, et cela depuis 2 décennies. Le car jaune fête ses 20 ans, et pour l'occasion, le réseau fait peau neuve, plus de modernité, notamment avec une application, le Wi-Fi ou encore des prises USB. Si le réseau car jaune souffre encore de retard en raison du trafic routier, les utilisateurs semblent plutôt satisfaits. Ils apprécient en tout cas les nouveaux